Assieds-toi, comme ça tu seras proche de moi, non? Tu as dit que tu voulais me voir, non? Assieds-toi. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu es à l'aise? Mm-hmm. Oui. Je crois que tu vas trouver quelque chose qu'elle puisse manger, n'est-ce pas? Comme ça, on va bien causer. Ça va. Vous pouvez d'abord causer. On cause d'abord. Mm-hmm. Ok. Ça me fait, ça va inviter ma dormir étant il est encore très très chaud. Ok. Je suis à ton service. Bienvenue, on commence par le commencement. C'est le programme de quoi? Le programme de culte? Non. Ah, ok, ok. Depuis, j'ai fait le culte. Dis-moi donc, comment tu as fait pour connaître le frère Junior ou bien Bamba Iba? En fait, j'ai connu Bamba Iba par Brice. Ok, ok. Mm-hmm. Le frère Brice. Oui, parce qu'il venait souvent à la maison. En fait, il voyait ma façon de faire. Il dit que, ah, on ne fait pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il dit, ah, Brice, tu peux faire comme si tu aimes Dieu, Dieu, puis qui. Moi, c'est pas l'église les dimanches. En fait, dans les blagues, on faisait comme ça. Mais je me suis rendu compte que ça fait depuis 2016, vous avez changé de comportement. Mm-hmm. C'est vrai que j'étais d'abord très calme, très posé. Mais je me suis rendu compte qu'il était devenu tout un genre, comme un pasteur. Très, mm-hmm. très. Il dit souvent, ah, ce que tu fais là, on va combo, tu allais là, quelle église, on va soir où tu allais entrer, mais. Je me dis, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il ne faisait plus. Et dernièrement, même quand ils sont en famille, ils baptisent ses enfants à l'église catholique. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'étiez pas à l'église. Non, c'est lui qui aime souvent parler de Dieu, Dieu, Dieu. Il a dit, là, il a dit qu'il n'aime pas. Oui, que non, il a des choses à faire. Mais comme je sais qu'il est souvent très servi, je me suis dit, peut-être parce qu'il voulait rendre service à la maison. Bon, il n'a pas donné d'explication par rapport à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que en famille, bon, dans la belle famille, puisque vous, c'est la soeur de vous, c'est moi. On a épousé grand frère et petit frère. Ok, celle qui est au Sénégal actuellement. Oui, oui. On a épousé grand frère et petit frère. Il s'est passé un truc en famille, genre, il y a une de nos belles soeurs qui est décédée. C'était, on a commencé à dire, c'est telle qui a tué, telle qui a machin. Frère, je sais comment chez Bambi qu'on fait. On a commencé à dire, non, il faut la Baminda. Il faut aller chez le marabout pour voir clair là-dedans, n'est-ce pas? Justement. Il faut aller là-bas, il faut machin, c'est sûr que. Et elle est morte d'une façon très bizarre. Du coup, les gens ont commencé à dire il faut aller se blinder, sinon ce sera toi. En fait, moi et Carole, on a commencé à paniquer un chat. Mais ça peut être moi, ça peut être. Le suivant, c'est toi, vous avez peur. Alors que tu partais à l'église catholique, là où il y a l'église de Jésus-Christ, quoi. Voilà. On a commencé à paniquer, machin, ça peut être moi, ça peut être. Maintenant, dans le stress, la panique, quand vous êtes venu à la maison, on a commencé à lui parler de ça. Mais est-ce que tu sais que. Telle personne, on dit que c'est lui, machin, on disait des trucs comme ça. Là, maintenant, vous avez peur de tout le monde. Voilà. On nous dit vraiment, c'est quand tu crois, il pourra t'arriver. À moins si Dieu a décidé que c'était ton jour de baptiser. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Brice a dit. Donc, lui n'avait pas eu peur de la mort. Non. En dedans, vous paniquiez. En fait, et lui-même, c'est parce que la personne est dans notre belle famille. Donc, Brice, en fait, c'est sa soeur qui est mariée là-bas comme moi. Oui. En temps normal, il ne devait même pas avoir peur. Mais lui connaissait la personne. Il nous disait toujours que. Il faut croire. C'est vrai que moi, quand même, j'avais ma Bible, mais sa soeur n'avait pas de Bible. Elle a acheté une Bible, elle avait dit à sa soeur à la maison. Parce que comme mon boy au Sénégal, sa soeur vit chez moi. Oui. Oui. Il a apporté la Bible à la maison. Et moi, j'avais déjà la mienne, mais c'était Jérusalem. Là, tout ça, c'est la même Bible. Du coup, chaque samedi, il venait à la maison, il nous expliquait, il disait des trucs, machin. Mais quand il te dit, quand il vous venait à la maison, vous expliquait, et alors que toi, tu vas à l'église, tu es sûr que tu vas à l'église. N'est-ce pas, les choses qu'il te disait n'étaient pas contraires à ce que tu vas recevoir à l'église catholique? Bon, c'est qu'au départ, il nous parlait beaucoup plus du comportement de la femme. À la maison, machin, les trucs. Il disait que vous, là, quand vos maris parlent et vous avez parlé, faites attention. En fait, il disait sur les trucs comme ça. Non, on dit toujours, ah, il va parler des problèmes, il se va avaler. En fait, on dit toujours des trucs comme ça. Généralement, quand il venait prêcher, c'était pour avoir ça. Bon, un jour, maintenant, quand il est arrivé à la maison, je crois, c'était. Galate, c'est pas parce que moi je ne retiens pas bien les versets bibliques. Oui. Il vient à la mesure là pour ça, alors après, je dis que votre église catholique, vous partez là, faites attention à ça. Tu lui as dit, Brice, vraiment, ce que tu dis, va te mentir. Quand tu viens ici, quand tu prêches, j'ai l'impression que quand je dors, je peux me dormir le matin jusqu'à 9h. J'ai l'impression que j'ai le cœur apaisé quand je t'écoute. Il me dit qu'en fait, d'habitude, quand tu vas à l'église, quand tu rentres, tu n'as pas le cœur apaisé parce que ce n'est pas la personne indiquée à parler. Je lui dis, mais je sais pas. En fait, du coup, même les samedis qu'elle était occupée, c'est ma soeur et moi qui lui mettaient la pression. Que c'est comment tu ne viens pas aujourd'hui parler. Nous, ils étaient souvent suivis. En fait, moi particulièrement, je parle de mon esprit. J'avais l'impression quand je l'écoutais, j'avais dit quoi, la paix du cœur. Oui, j'aimais bien l'écouter. Du coup, quand il rentrait, il disait la Bible, si vous avez un souci, quand je vais venir, vous allez expliquer. Là, un jour, il a fait la mesure, il dit vraiment, Quand tu viens ici nous édifier, je suis très contente, mais j'ai un problème. D'habitude, quand j'avais les soucis, quand je faisais la prière de Marie qui défait les nœuds, oui. Voilà, ça marchait. Quand maintenant tu viens me dire qu'il faut juste que je lise la Bible, machin là, si moi, Marie qui défait les nœuds n'est pas biblique, pourquoi est-ce que quand je fais ça, ça marche? Ça marche, bonne question. Est-ce que je l'ai demandé? Il m'a expliqué non, même le diable fait ce qui est bien. Le problème, c'est de croire, mais de la bonne façon. Je l'ai aussi pour le cas de. Au village, qui a souvent reste, on dit, bon, à mon parti, on appelle ça le YouTube. On dit, soyez un problème au village, si vous ne partez pas creuser ça, vous allez mourir. Pourquoi est-ce qu'on va creuser le problème se règle? On dit, c'est les histoires, c'est les esprits maléfiques qui se cachent derrière ces choses, que le problème en fait n'est pas libre ou partez creuser, mais l'esprit qui est caché derrière. Si tu ne peux pas cultiver normalement et tu arrives à tester, c'est un problème. En fait, c'est ce que vous partez faire qui vous crée les problèmes. Mais maintenant, je vais demander, mais je me rappelle l'année passée, quand ton papa a décidé, bon, c'est comme à l'ouest, on disait que tu es successeur. Pourquoi est-ce que, au moment de faire le tour du deuil, tu as fui, tu es rentré? Moi, j'ai trouvé ça même bizarre. Il me dit, c'est pas biblique ça, à quoi ça sert? On n'a pas besoin de faire des trucs comme cette ça. Cette cérémonie là. Voilà, cette cérémonie, c'est pas nécessaire. Tu peux remplacer ton père sans avoir besoin d'aller faire les rituels. Tu peux le remplacer juste pour encadrer tes frères, c'est tout. Bon, c'est vrai que maintenant, un jour, il a dit que. C'est vrai, quand je parle, tu es content. On a dit que oui, quand tu parles de moi, c'est comme si. C'est vrai que tu parles de Dieu, mais quand tu parles, c'est comme si. Comme si tu deviens légère. Voilà, je deviens légère. Là, je te pose la question. Normalement, on connaît la caste des prêtres. Ce sont les prêtres. On connaît que ce sont les prêtres. Chez vous, normalement, les catholiques. On connaît que ce sont les prêtres qui doivent parler de la part de Dieu, parler sans tout le serviteur de Dieu. Mais en voyant un petit garçon qui te parlait comme ça, ne voyais-tu pas qu'il y avait une incongruence avec vos pensées catholiques et ce qu'il entendait faire? Enfin, je sais pas ce que tu peux reprendre, mais c'est juste que quand il parlait, j'étais contente. Donc, quand il parlait, ça donnait la joie sur le cœur. Voilà. Ça me plaisait. Enfin, j'aimais bien écouter. En fait, j'aimais l'entendre parler. Au bon, quand il n'était pas là, vous demandez qu'il faut qu'il vienne. Mais tu viens pas. Il me dit non, je vais aller à l'assemblée. Mais l'assemblée, ça croit quelque chose. Il dit que non, je ne suis pas disponible. Mais à un moment donné, il va sacrifier, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il va sacrifier ça. Samedi, venons nous entretenir. Maintenant, chaque samedi, il venait. On pouvait travailler même de 15h à 23h. Waouh, dans la parole. Oui. Il y a les jours, ils passaient même la nuit. Quand il se faisait temps, on dit que non, on dort. Du matin, on continue. Bon, c'est un peu ça. Il m'a dit que non. Vous posez n'importe quelle question, il vous montre dans la Bible. Oui. Mais toi tu n'étais pas étonné. En fait, j'avais. Comment il fait pour connaître tout ça? Je lui demandais que mais tu as appris ça ou tu as été fait former. Il dit non, c'est l'Esprit Saint. Alors, et moi, je disais que mais moi, je lis ma Bible, mais je ne peux même pas redéigner un verset de Bible dans ma tête. Comment il dit qu'en fait, le seul verset qu'on connaît, c'est Jean 3, verset 3 et Jean 3, verset 7. Parce que c'est ça qui m'a. Mais toi, tu fais comment pour dire que tout ça comme ça? Voilà. Il me dit que c'est l'Esprit Saint. Waouh! Quand il parlait comme ça, je lui ai dit que waouh, ça c'est vraiment petit Jésus. Maintenant, un jour, alors, quand on échangeait, il me dit, quand je parle, tu es content, moi. Je lui ai dit, oui, non. Quand je vais te faire rencontrer un autre ou un de Dieu, c'est vrai que entre nous, on est frères, on ne peut pas dire que l'un dépasse l'autre. Quand tu vas l'écouter, tu seras très content. Il dit qu'il est frère Gideon. Je dis, tu as commencé. Le frère Gideon, c'est encore qui? Voilà, laisse comme ça, pardon. Tu sais ce que tu es venu faire ici. Il m'a dit, ok, je vais écouter Bamba Iva. Bamba Iba. En fait, quand j'écoutais, je ne sais pas que c'était vous. Mais j'étais tellement content. Je dis, ah, le monsieur, il parle bien. Quand il t'a conseillé comme ça, tu es allé écouter. Oui. Quand il est rentré à la maison, tu as cliqué. Oui, mais avant ça, il m'avait dit, il faut que comme tu crois que je parle bien, là, quand tu vas rencontrer un frère Gideon, tu seras très content. J'ai dit, bon, laisse comme ça. Dis ce que tu viens me dire, ça, je n'ai pas besoin d'aller rencontrer ces frères qui leur laissent comme ça. Maintenant, il m'a dit, en passant, que comme on a passé le temps, si pour nous entretenir, il y aura les jours avec l'école, ils seront occupés, on peut aller sur Bamba, on va écouter les anciens là-bas. Bon, j'ai décidé d'aller là-bas, j'ai écouté, mais j'étais contente. Je lui ai dit à Junior, parce que le monsieur là parle bien. Il n'a rien dit, mais il a compris qu'en fait, il se moquait de moi. Vous allez voir, frère, mais tu trouves que le monsieur va parler bien. Bon, moi, je suis restée tranquille, mais quand j'ai écouté les enseignants d'enseignement, j'étais très contente. C'est vrai qu'on a aussi un troisième frère qui venait à la maison, on travaillait ensemble. Mais à l'époque, il s'est rendu compte, bon, d'après ce que je constate, il s'est rendu compte en nous disant d'un coup d'arrêter d'aller à l'église catholique, ça pouvait créer un choc. Parce que nous, on disait, mais tu dis qu'on arrête, c'est pour aller où? Pour rester à la maison. Il dit, ok, si tu veux qu'on arrête, tu veux nous amener dans ton église, tu nous dis. Parce que c'est comme ça qu'on fait décider d'étonner les fidèles pour les amis. Tu veux qu'on parte où avec? Venez dépouiller l'église catholique pour venir amener dans vos sectes là. En fait, c'est ce que moi, je lui ai dit. Mais parce qu'il faut bien que les enfants apprennent à craindre Dieu. Il faut qu'eux sachent que Dieu existe. Il dit que non, tant que tu peux les enseigner, mais j'enseigne que moi, je connais d'abord quoi. En dehors de lire, en somme 51, 35 et Matthieu, moi, je connais. Comment tu peux dire que je garde les enfants? Il faut bien qu'ils sachent que Dieu existe. D'abord qu'à la maison, malgré le fait qu'on disait pas, j'avais appris aux enfants quand on dormait le soir, on fait le signe de croix. Pour ceux qui étaient un peu intelligents, ils faisaient le Notre Père. Mais les deux ans là, ils faisaient au nom du Père, machin, ils arrêtaient, ils disaient Amen. Moi, il nous disait, il a commencé par arrêter de faire au nom du Père. Quand on fait n'importe quoi, dis seulement au nom de Jésus. Donc l'autre là, déjà, on a appris aux enfants à ne plus faire ça. Quand il venait à la maison, on avait un tas de questions à lui poser. Mais c'est vrai que quand il arrivait souvent, on travaillait souvent jusqu'à 22h. Il s'était rendu compte, moi particulièrement, mon mari rentrait parfois, tellement la parole était tellement bien que dès que j'ai mis la table, je ne vais même pas savoir s'il a mangé ou pas. Voilà. Là où Bruce fait la remarque, on est là en fait, c'est pas ce que la Bible demande, que quand on suit la parole, quand ton mari rentre, tu t'occupes de lui. Voilà, c'est ce que la parole demande. En fait, et je dis que moi, en train de lire la Bible, de Dieu va comprendre que c'est en fait, je suis en train de vouloir suivre son chemin. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que tu t'occupes d'abord de ton mari, tu dois te soumettre. Bon, en fait, donc quand il venait comme ça de travailler, quand mon mari arrive, comme c'est que je vais parler, il arrêtait de travailler. Il disait que je parlais d'abord. Et quelle était la réaction de ton mari quand il parlait de toutes ces choses, de Dieu et ainsi de suite? En fait, généralement, quand il rentrait, il disait que. Et j'ai la vie de mes enfants à l'église, c'est parce que vous avez créé là, chez moi. En fait, il disait toujours, j'ai dit, amener mes enfants à l'église, ou tu as créé d'abord l'église à la maison, je ne comprends pas, tu es après, tu es pasteur. Tu sais que j'ai le niveau d'enseigner les enfants là. Et souvent, on avait même créé un forum où Brice nous entretenait, mais il a compris qu'on était tellement religieux, surtout mon époux et son petit frère, tellement religieux, il a compris que c'est un terrain sur lequel il ne pouvait pas s'attaquer. Donc, c'était déjà, il nous disait, vous parlez de quoi? Vous avez appris la Bible quand vous venez nous parler de la Bible. Hier, l'enfant, puisqu'il connaît Bruce, la Bible se grandit, que l'enfant l'a grandi quand il vient nous parler de la Bible. Puis justement, il connaît quoi? Que tu sais ce qu'on appelle la canonisation. Est-ce que vous connaissez les 7 livres de Moïse? Il a dit des trucs, machin, si c'est là. Est-ce que, je n'y connais rien. C'est vrai que, frère Junior, à la maison, s'il faut parler de spiritualité, à l'époque, je veux dire, c'est même mon époux qui nous encourageait. Donc, même à la maison, quand il fallait dire prier, c'était le gars qui avait, c'était toujours lui qui prenait l'initiative. Donc, s'il faut dire qui portait la famille, c'était d'abord mon époux. En matière de prière, mais il était déjà très engagé. Voilà, engagé l'église catholique. C'était un peu ça. Bon, à un moment donné, moi, je me suis dit, les marabouts autres là, c'est pas bon, mais on peut quand même aller chez les prêtres aussi. Du coup, un jour, j'ai même dit ça, presque, mais. On peut parler chez moi, mais si on peut aller voir le prêtre exorciste. Donc, dans ma tête, prêtre exorciste, j'assiste. Il est petit proche, au moins, comme quand même chez Dieu. Comme. Voilà. C'était un peu comme ça. Bruce me disait, que tout ça, c'est de la magie. Je me disais, mais c'est, comment tu dis que c'est la magie? C'est qu'un homme de Dieu, comment tu dis que tout ça, c'est la magie? Il me dit, il me disait toujours, si tu as un problème et tu vas chez vos prêtres là, et s'il va vous faire une prière, que ce soit avec l'eau bien, les parfums, machin, refusé. Parce qu'il t'enlève d'un démon pour mettre un autre démon en toi. Fait, du coup, ça m'a refroidi parce qu'à un moment donné, j'avais pris la décision que Marabout, moi, c'est fini. Mais moi, je vais parler sur prêtre exorciste parce que je me dis, c'est. Oh, quand même, les hommes de Dieu. Voilà. Mais dernièrement, encore, quand j'ai suivi l'enseignement avec certaines dames ici, là, où j'ai tenté d'expliquer pourquoi il ne faut pas aller. Ah, pourquoi le titre de l'enseignement, c'est pourquoi faut-il quitter l'église catholique? Oui. Écoute, dis-nous clairement ce que tu as écouté et comment était ton état de cœur pendant que tu écoutais. Je sais pas, à l'époque là, les dames étaient en train de poser certaines questions. Et j'avais l'impression que vous avez des livres à côté, que vous étiez en train d'ouvrir. De les montrer. Voilà. Okay. Comme tu es présent, on va aussi ouvrir ces mêmes livres, on va te les montrer, d'accord? Tu as entendu des choses dans ces livres là, oui, non? Oui. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à Marie. Parce que moi, je ne vais pas te mentir, par rapport à ce qu'on m'a souvent dit, on a conté l'histoire comme quoi. Quand on prie Marie, c'est pour qu'elle intercède, intercède pour nous auprès de Dieu. Oui, et vous avez, et tu as dit, le jour où salut Marie, en fait, Marie là, c'est pas la mère de Jésus qu'on prie, c'est la reine du ciel. Et je me rappelle que j'avais lu dans un livre de Jérémie, où on disait qu'ils ont offert l'encens à Marie, machin, à la reine du ciel. Et quand tu as dit, Marie, c'est encore la reine du ciel, mais ça veut dire qu'en fait, quand je prie Marie, là, en fait, c'est la reine du ciel que je suis en train de prier. Ça veut dire que je suis même en train de prier le diable. Du coup, Ton corps a encore fui. Voilà, j'ai pas compris. C'est vrai que j'avais arrêté de faire je vous salue Marie, mais j'étais un peu trop traumatisée. Mais j'étais là quand même sceptique dans la mesure où une fois j'ai dit dans quel livre, je sais pas où c'est, Matthieu, enfin je sais pas. Mais on disait le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Donc c'est lui le seul intermédiaire entre nous et Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, je sais pas, mais je sais que c'est quelque part où on disait le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Donc du coup, je me suis dit, mais pas à peine de prier Marie. C'est vrai, je ne veux pas te mentir, frère Gignon, mais Marie là même, c'est quand je me suis mariée. Parce que moi, je suis née protestante. C'est quand je me suis mariée qu'on a commencé à m'amener chez les catholiques. Qui t'a amené? Mon épouse. Donc, enfin, parce que vous êtes des cousins proches en thème de l'église. Donc, les catholiques et l'église protestante sont quand même très proches quand même. Donc, tu as dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, c'est ce que mes parents disent, que bon, quand tu es protestante, tu peux te marier avec les sœurs, c'est un jeune pas du moi, il croit en Dieu, ça va. Parce qu'on était là-bas, on ne priait pas Marie, on faisait pas le signe de croix. Donc, c'est quand je me suis mariée que j'ai appris tout ça, c'est quand je me suis mariée que j'ai appris le signe de croix. Même le chapelet, je ne savais pas le faire, c'est mon mari qui m'a appris à compter le chapelet. Mais quand j'ai suivi, ça m'a un peu traumatisée. C'est vrai que depuis, Brice me parlait souvent des prêtres aussi, en fait, tout ce qu'on fait là, c'est pas de Dieu, c'est de la magie. Mais je me suis rendu compte de moi, je sais pas si c'est un esprit qui m'animait ou bien c'était naturel. Quand Bruce venait dire un truc, j'écoute. Mais quand je lis la Bible, il y a un truc qui va un peu contredire Bruce, c'est ce qu'il a dit, j'entends tout ça, quand il dit, je commence par là. Oui, ici, là, tu me dis. Voilà. Je vais prendre le cas du baptême, par exemple. Oui. Il était arrivé, il m'avait dit qu'en fait, à l'église catholique, on baptise comment? Je lui ai dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous disait, non, on a baptisé au nom de Jésus. Maintenant, quand j'ai lu Matthieu. Matthieu 28, tu as dit, je t'attends ici. Justement, Jean 4. Voilà ça, clair. J'ai demandé, mais Bruce m'a dit qu'on le baptise. Voilà, dans Matthieu, on dit, qu'est écrit Matthieu? Il nous a dit, ce qui m'a répondu, c'est qu'en dehors de Matthieu, tu as ouvert où dans la Bible, c'est écrit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit que bon, ça veut dire qu'on peut faire l'un ou l'autre. Si il avait dit ça, ça veut dire que si on peut faire, il m'a dit que non. Pour suivre ce qui va arriver, pour suivre comment on doit marcher, comment ça lit à partir de Actes des Apôtres. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc, du coup, je lui ai dit que, mais et nous, alors, ça veut dire que nous, on n'a pas baptisé. Moi, je suis baptisé, communié, marié à l'église. Ça veut dire que on nous a seulement baissé aux appels, vous n'êtes pas baptisé. Tu n'es pas choqué? Ça m'a tellement traumatisé. En fait, je ne vais pas te mentir, mais j'étais glacée. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais expliquer. Convaincue qu'en fait je suis baptisée, communiée, confirmée, mariée à l'église. C'est vrai que maintenant je peux même parrainer les gens, comme on dit souvent. Oui, que tu es la marraine maintenant. Voilà, voilà. Du coup, ça m'a fait un genre. C'est vrai, j'ai demandé à Brice que, mais qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé? Parce que selon ce que je sais chez les catholiques, pourquoi tu te baptises? Moi, je suis protestant, je suis catholique. Il faut être prêt. On n'a pas une histoire où on te force. C'est pour ça, la dernière fois, quand j'appelais soeur, quand je lui demandais, mais est-ce qu'il faut se confesser? En fait, je croyais que c'était. C'est carnaval de l'Église catholique, là. Voilà, qu'il y a une façon de faire. En fait, pour te baptiser, il faut atteindre un niveau de la spiritualité pour te baptiser. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'en fait, quand je suis venu, j'ai l'impression que ma vie, j'étais vide à l'intérieur de moi, quoi, qu'il fallait quelque chose, j'étais vide. Et la sœur grâce a dit quoi? Que tu achètes la Bible en... Non. Tu fais la catéchèse. Elle m'a dit qu'elle n'a pas besoin de ça, elle va juste me mettre en contact avec un frère. Il va le faire. Mais j'ai trouvé ça tellement simple que je n'y croyais pas. Je ne vais pas te mentir, frère Junior, depuis là, je n'ai pas appelé ce frère. Elle m'a dit, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut baptiser? Est-ce que c'est simple comme ça? Ça, non, pas, c'est pas logique. Bon, toi, tu t'es basé sur quoi pour dire que c'est pas logique? En fait, tu me disais que pour être baptisé, il faut atteindre un certain niveau. En fait, il faut suivre un enseignement, il faut marcher. C'est vrai qu'en plus, arrivé à la maison, je sais qu'il est souvent très courtois pour éviter de dire des trucs. Il nous a seulement dit qu'on n'est pas baptisé. Il dit clairement qu'on n'est pas baptisé, c'est calme. Oui, mais après un jour, il a dit à sa soeur, avec qui je suis très proche, ma compouse, que si le jour on est les toits, vous êtes prête, vous me dites, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Donc, sa soeur est arrivée à la maison, elle m'a dit ça. Comme le monde connaît un peu le tempérament de nos deux époux, on s'est dit, bon, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, dans ma tête, c'était même pas beaucoup plus par rapport à l'époux, c'était, est-ce que je suis même prête pour être baptisée? Peut-être qu'il faudrait que je me sanctifie, il faut que toutes les mauvaises choses que je faisais, que je ne fasse. Enfin, je me suis dit, pour se baptiser, il faut se détacher d'un certain nombre de péchés pour être, en fait, pur, pur. Voilà. Avant même d'être digne du baptême. Digne du baptême. Mais quand j'ai écouté ce grâce, c'était déjà comme si il faut juste accepter et venir te baptiser. Ce n'est pas qu'il faut. En fait, Moi, je me disais, il fallait que je me détache de certaines choses. Mmh. Et chaque fois qu'un boss venait à la maison, nous exhorter, je disais que vraiment, parce que quand tu prêches la parole, c'est bien. Mais je crois que j'ai un problème. C'est pas si pour ce moment délivrer. Mmh. C'est de la clé, moi, c'est un sérieux problème. Mmh. Je disais tout ça. Mmh. Il me disait souvent, c'est vrai, c'est pas facile. Mmh. Je n'aime pas non plus l'apôtre Paul pour changer du jour au lendemain. Mmh. Mais prie, Dieu va t'aider. Mmh. Je disais vraiment, il ne veut pas te mentir. Moi, tout à l'heure, j'expliquais ça à ma soeur grâce. Mmh. Moi, frère, ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été, comment on dit, normale comme toutes les mmh. jeunes filles qui se marient, qui se grandissent et se marient sans problème. Parce que moi, je ne veux pas te mentir. Je me suis mariée très jeune, mais je n'ai pas fait les enfants tôt. Mmh. Du coup, je me suis retrouvée. Je suis laissée. Aller chercher les enfants quelque part d'autre. Voilà. Mmh. Comme si c'était eux qui donnaient les enfants. Justement. Mmh. J'avais souvent l'habitude de dire aux gens, ne jugez pas les gens, papa, là, ils vont. Parce que quand Dieu viendra me juger, ça va, papa, là, on va. Mmh. Et là, tu essaies d'essayer de te consoler. Mmh. Exactement, ça fait. J'essaie de me consoler, mmh. de dire machin. Parce que même quand le frère Boussinamzon nous dit, vous connaissez les têtes, toutes les églises dont tu citais là, mmh. quand ça savait les supprimer, moi, ça ne me supprimait pas. Mmh. Quand il parlait des cigarettes, machin, moi je disais honnêtement, c'est un chien qui mange sans chaussures. Mm-hmm. Là, moi je le connais parce que je ne veux pas te mentir. Moi j'ai persévéré là-bas pendant 2 ans. Avec Christine Céleste. Oui. On t'a donné ta part d'œuf. Non. Mm-hmm. J'avais juste cousu parce qu'il disait qu'il amenait pour s'habiller en blanc. Il faut qu'on une robe blanche. Je crois qu'on voit ta tenue, comment mm-hmm. c'est des viandes, tout ça. Mm-hmm. C'est ce qu'on disait. Je lui disais, toutes ces églises-là, je ne veux pas te mentir, frère Bouzi, moi je suis. Aller là-bas. Tout simplement parce que tu cherchais l'enfant. Voilà. Mmh. Tu vois, le frère, Jacques, frère Junior, tu es tellement désespéré. Quand tu regardes ton passé, c'est vrai que je n'étais pas parfaite. Mmh. Mais quand tu regardes ton passé par rapport à d'autres personnes, tu te dis que mais j'ai pas fait d'avortement. Mmh. J'ai jamais sorti le mari d'autrui. Mmh. Je n'allais pas en boîte de nuit. J'étais toujours la fille. Quand je vais. Voilà. Quand j'ai fini mon cours, je rentre chez nous, je lis mes UV. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, j'étais. Très très pessimisé à un moment donné. Quand on disait va ici, va là-bas. Maintenant, quand je suis allée chez les Célestes, ils ont fait. Bon, c'est que. Après, je n'appelle pas les incantations. Mm-hmm. On a fait les trucs, les prières. Il faut jeûner, il faut acheter l'huile de ceci, l'huile de grâce, il faut acheter ceci, cela. Mm-hmm. On a tout fait. Ils ont dit non, 6 mois, ça va donner. Mm-hmm. Mais pas la, je dis pas la grâce de Dieu parce que Dieu doit enfin. Mm-hmm. Quand j'ai conçu, j'ai dit waouh, mm-hmm. ces gens-ci sont forts. Mm-hmm. J'ai conçu ma fille. C'est vrai qu'elle a des mûres. Comme c'était mon premier enfant qui venait à la tête, puis avant ça avait fait 2 fausses couches. Mm-hmm. Chaque fois, quand l'enfant a atteint 6 mois, en fait, j'ai senti le bébé bouger dans mon ventre. C'était comme si, mais je voyais, je disais, enfin, moi aussi, je vais porter l'enfant. Voilà. Maintenant, la veille de l'accouchement, comme tout parent va me dire, la mère de la compagnie a commencé à toucher les bras. Est-ce que la fille va m'aider à accoucher? On lui dit, non, ta fille là, en accouchant, si elle accouche, ton mère elle va mourir, et machin, tu sais, c'est là. Du coup, encore la paille. Mm-hmm. On accouche les Célestes. Commence à faire les prières à 3 heures du matin. Il faut prier, il faut jeûner sans manger. C'était un tas de trucs. Mmh. Là, à la veille de l'accouchement, ils ont dit que non, vas-y, au moment de l'accouchement, on va t'assister. Au point où même, vraiment, quand je regarde les trucs que je faisais, au point même quand on allait au bloc, il fallait appeler le. Parce que là-bas, ils appellent le. Celui qui entretient les gens. Le surveillant. Oui, le chargé. Donc, comme le prêtre catholique, là-bas, on dit chargé. Mm-hmm. Il peut l'appeler le chargé pour ce chargé qui dit qu'est-ce qu'il faut t'opérer, machin. Mm-hmm. On l'opère. Quand on m'opère, il a dit non, ça va bien se passer. Mais là, je passais. Quand j'ai accouché, j'étais tellement contente. Après, même, je me suis rendu compte que c'était devenu comme une histoire de business. Mm-hmm. C'est vrai que mon époux n'a pas assez d'argent, mais. Mm-hmm. Il avait le minimum, quoi. C'est vrai qu'on avait. Et là, tu partais en fait en compagnie, ton époux était au courant de tout cela. Oui. En fait, il était catholique. Non. En fait, moi, frère. Vous êtes marié dans l'église catholique. Oui. Mais dans son lit, il est de souche catholique. Des familles catholiques. Oui. Mais il cherchait quoi donc chez les Célestes? En fait, c'est toi qui l'as entraîné. Justement. Tu l'as convaincu par tes paroles. Lui et moi. Oui, vous vous êtes entendu, quoi. Ok, allons-y. Mais c'était un peu ça. Mmh. On allait là-bas. En fait, mais je m'étais rendu qu'à un moment donné, c'était devenu comme une histoire de business. En fait, mmh. Comment que tu veux pas? Je ne sais pas si je veux dire ça comme ça. Mmh. Parce que chaque fois, c'était non, il faut faire ceci. Il faut faire des sacrifices. D'action de grâce, il faut faire ceci. Mais j'avais l'impression que je me sentais. dépouillé, quoi. Parce que je comprends pas comment. Parce que l'église catholique, quand on fait la quête, on a besoin de mettre. En fait, ce que tu donnes. L'église catholique ne met pas la pression. Voilà. On tend seulement le truc comme ça. Tu mets. Tu déposes. Comme c'est le 25-25 qui passe. On sent. Voilà. Mais là, j'avais l'impression qu'il fallait bien déposer un plateau, tout le monde voit. Et chaque fois, on te dit, il faut faire son grâce. Mais à un moment, je dis à mon époux, mais je ne veux pas mal parler, mais tu as l'impression que c'est comme si. On ne disait même plus, on ne pouvait pas épargner un psaume. En fait, on ne pouvait même pas bien manger, mais chaque fois, il fallait aller de l'argent là-bas. Non, il y avait culte le mercredi, le dimanche, le samedi, ça devient. Et seulement quand tu as un problème, on te dit, apporte, achète le mien, achète les bougies. Mais quand je voyais ce qu'on dépensait par mois, mais ça pouvait nous payer le loyer à la maison. À un moment donné, moi, j'ai rien dit à mon donné, moi, je lui ai dit, maman, là, moi, je vais me rentrer à l'église catholique. Il a dit que là c'est fort, non, maintenant je rentre dans l'église, mais. Je vais rentrer là-bas, moi je ne veux pas un truc qui va me continuer. En fait, moi je disais, moi je veux être libre dans mes mouvements, je ne veux pas qu'on soit une obligation que je dois être. En fait, c'était le jour où il fallait que telle soeur connaisse ta maison, il fallait que tu marches avec telle soeur. Moi. Pour qu'on te surveille. Voilà, dans mon éducation, moi pas appris ça. Je dois être libre, je ne veux pas trop de contact. C'était une histoire, il faut être proche de tel frère ou telle soeur. Moi je me disais, mais je ne veux pas me sentir opprimée, je veux être libre dans ma relation. Du coup, je suis rentrée. À l'église mère. À l'église mère. Déjà que les deux portent les blancs, donc ça veut dire que c'est presque les mêmes choses, quoi. Ah oui. Maintenant, quand le temps est passé. Et là pendant que tu es allé, je vais me poser une question, une apostrophe tout simplement là-bas. Toi aussi, tu marchais pieds nus. Oui, en fait, c'est quand on entre dans le sanctuaire. Oui, qu'on marche. Ton mari aussi marchait pieds nus là-bas. Oui. Je vais vous expliquer que c'était pourquoi. En fait, on nous disait parce que le lieu est saint. Le lieu est saint. Donc, quand vous entrez là-bas, le lieu est sain. Et par conséquent, il faut marcher pieds nus. Ok, vas-y, continue, ma soeur. Courage. Maintenant, quand on est resté, quand l'enfant a un an, parce qu'en fait, comme j'avais traîné à faire les maternités, mon époux, moi, on se disait, bon, il fallait faire rapidement les maternités. Oui, comme on se disait, bon, si Dieu nous permet, ce serait bien qu'on fasse même 3 enfants et on arrête. Maintenant, quand la maternité traînait à arriver, on s'est dit, mais ça devient compliqué. Est-ce qu'il faut pas y qu'on rentre encore? On pas encore chez eux là-bas. Mon père, c'est qu'ils ont à payer. Là, ils donnent un deuxième enfant. Mais c'est la vérité, non? Ils essaient de dire seulement en langage clair ce que tu essaies de mimer là, d'accord? Oui, mais à un moment donné, moi je me suis dit, j'ai dit à mon époux, en fait, peut-être toi tu veux, comme tout le monde, peut-être ton but c'est d'avoir tout un village comme enfant, mais moi. Avec ce que j'ai eu à traverser, moi je demandais à Dieu, même si ce n'est qu'un seul enfant, le temps de voir aussi, en fait, de régaler ma fille, mon fils, de soir comme ça, sourire et m'épanouir. Même si ce n'est que cette fille-là, si ça ne parlait que de moi, je me contente de ça. Et toujours Dieu va vouloir, va nous bénir encore. Moi, je n'ai plus la pression d'aller là-bas. Moi, j'ai dit, toi tu veux, tu continues, mais moi, je n'y vais plus. Du coup, avec eux, j'ai arrêté comme ça. Et quand tu as arrêté, ils n'ont pas mis la pression pour chercher, pour vous appeler, vous êtes, pourquoi vous ne venez plus? Justement, ils mettaient la pression, mais moi, d'abord que quand j'étais là-bas, je n'étais pas très proche des autres fidèles. Je suis donc rentrée. Mais du coup, j'ai plutôt dit, je vais arrêter. Autant me rentrer à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital. On me dit toujours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez patienter à la maison. Moi, je suis donc rentrée, voir les produits naturels. Quand on vend. Forêt va marcher. Et moi, demande de prendre juste ça, juste toi de pour le nettoyage. C'est tout. J'ai pris ça, mais je me rends compte quand j'ai pris 4 boîtes de ces produits-là. Voilà, 5e boîte que j'ai conçue. Waouh! C'est là où j'ai dit à mon époux. Ça veut dire que ce n'est plus que ça, c'est l'ES, c'est le produit non naturel. Voilà, naturel. Ça veut dire, tu peux voir comme ça, peut-être, on n'avait même pas un. Même s'il y avait un problème, tu peux voir que ça fait. Que ce n'était pas vraiment un problème en tant que tel. Et je me rends compte, 1 mois, 2 mois. Parce qu'en fait, Junior, en fait, mon problème à l'époque, c'était pas la conception. Je concevais sans souci. C'est que quand je concevais 2-3 mois après, ça c'est plus sec. Voilà. Donc, du coup, même quand je conçois, je suis pas encore tranquille. Je me dis, attendons 1 mois, attendons 2 mois. J'attends 3 mois, 4 mois. Quand je vois le bébé bouger, mais je suis tellement contente. Oh, j'avais atteint le niveau où frère Junior, quand je tombe enceinte. Même mes parents, je ne disais pas. Parce qu'on m'avait tellement boule la tête, où je dis, je ne sais pas où mon malheur, d'où mon malheur vient. Il n'y a qu'à ma mère biologique. Je disais, maman, comme tu vois là, mon père, je ne disais pas. Elle me dit, ah, observons aussi, on va voir. 6 mois, 7 mois, je ne vais pas te mentir, frère Junior. Ma deuxième grossesse, là où je suis pas allée, ça a été la grossesse la plus normale possible. J'avais pas le problème de maladie, j'avais pas le problème. Contrairement après aussi, où chaque fois j'étais à l'hôpital, machin, le col est ouvert, mais c'était tellement normal. J'ai accouché par les ailes, par voie normale. Moi, j'étais tellement étonnée, je me disais que. Donc, wow, tu étais préparée déjà que normalement, si ça ne sort pas, normalement, ça ne sort pas le voir, par les ailes, ça va sortir. Du coup, à la maison, même quand ma soeur, à la maison, disait que. Ah, on a dit après que ah, oh, enfin, tu étais pessimiste. Je vais dire, je n'y croyais même pas. Tu me disais, ah, tu m'aimes d'abord ce que je vais m'accoucher pour voir, parce que attends pour voir. Donc, du coup, j'étais tellement figée que. Je ne vais pas te mentir, frère. Quand je suis allée accoucher, j'étais tellement émue. C'est vrai que j'ai déchiré, mais je me disais, au moins, j'ai aussi vécu. Les douleurs de l'enfantement. Dans l'enfantement, justement. J'étais contente. Et ton mari? Enfin, lui-même, je me dis, il a compris que ce n'était pas SLS. Mais dans sa tête, c'était que, comme je vous dis, on était déjà, on a coupé avec les marabouts. Mais on peut quand même aller. C'est ceux qui prient plutôt avec la Bible. Vous savez, clé d'art, machin, voilà, comment. Et au moins, avec, donc, dans sa tête, même s'il ne me le dit pas, c'est que non, c'est parce qu'on allait chez l'évêque, il a fait ci, il a fait ça. Mais au fond de moi, à force d'écouter vos enseignements, je me suis dit que c'est pas ça. Et je me rappelle à l'époque aussi quand vous venez à la maison, et il disait, tu sais, que c'est quand la femme est enceinte qu'elle est souvent très vulnérable. Un moment donné, même si je me disais que bon, c'est vrai que dans ma tête, je me disais que bon, peut-être que c'est les prières de Brice qui m'ont. Donc finalement, tu ne sais même plus de quel côté que ça, la solution est sortie. Oui, mais un moment donné, oui, mais au fond de moi, un moment donné, je me suis dit, peut-être les prières de Brice m'ont accompagné pendant mon accouchement. Chaque fois qu'il venait, ça se disait, ouais, il faut prier pour. Il disait tout, j'ai compris. Il disait tout, c'est quand une femme est enceinte qu'elle est très vulnérable. Et quand j'ai écouté un de vos enseignements, je ne retiens pas trop. Vous avez dit, quand vous ne consommez pas, vous partez chez moi, vous partez juste là-bas. C'est vrai que vous consommez, sachez que ce n'est pas le membre qui donne le bébé, c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, du coup, j'ai compris que même quand j'étais spécialiste, même si j'étais pas, même si je ne croyais pas, même si j'étais pas, je ne sais pas comment on dit ça. Tu n'étais pas sur la bonne voie. Même si j'étais dans le monde, comment on dit là. Je crois que même là-bas, Dieu m'écoutait toujours. Amen. Que c'est Dieu qui m'a fait grâce de l'enfant. C'est un peu ça. Mais honnêtement, l'enseignement qui m'a fait choc depuis que j'écoute vos enseignements, c'est l'enseignement pourquoi quitter l'église catholique. Parce que quand j'ai ouvert Bamba Iba pour la première fois, l'enseignement que je suis tombée sur ça, c'est prophétie. Là, on parlait du Cameroun. C'est vrai que quand vous venez à la maison, ils nous disaient que ah, ça va chauffer, il y aura la guerre ici, machin. Je dis, pardon, laisse-moi comme ça. C'est que tu as devenu marabout, même tu es marabout des églises, j'ai compris. Et moi, je lui disais souvent, c'est vrai, est-ce qu'on ne peut pas prier pour que Dieu. Arrête ça. Oui, il me disait que c'est vrai, il y a les choses que Dieu peut remédier, mais il y a les choses dans lesquelles c'est arrêté. Qu'on fasse ce qu'on veut. Ça va se passer. Oui, sauf si ça peut réduire les dégâts, mais ça va arriver. Il me disait toujours, répandez-vous parce que le moment sera chaud. Et parce que c'est l'habitude, dès qu'il dit un mot directement, il dit ouvre la Bible, verset, machin. Du coup, un moment donné, je dis mais que tu m'embrouilles, dis-moi ce que tu veux. Il dit que non. En fait, lui, il n'aime pas. Parler sans lire la Bible. Oui. Quand il dit un mot, il dit que ouvre la Bible, telle page, machin. Il me dit, il nous a ouvert. Parce que je lui disais que mais les enfants qui sont les bébés, ils n'ont encore même pas péché. Pourquoi est-ce que Dieu va les punir? Il demande d'ouvrir un livre là-haut. Je ne me rappelle pas du verset. Où Dieu avait envoyé les anges, son armée tuer les gens. Et que avant ça, il y a un ange qui est passé marqué. Les gens qui lui appartenaient. Le livre d'Ézéchiel. Peut-être. Et après, Dieu a dit tuer les femmes enceintes, tuer. Il dit que tu vois, non, que même Dieu tue les enfants. Il manque, mais il est tué. Il dit non, il sait ce qu'il fait avec eux. C'est là où leur esprit parle. Que dans le moment venu, là, ne te soucie pas que ton enfant va aller. Ou soucie-toi de ton propre corps. Parce que toi, tu as conscience. L'enfant ne connaît encore rien. Dieu, si Dieu le prend, Dieu sera là, il va le mettre. En fait, je crois que c'est même ça qui a fait à ce que je commence à paniquer. Que mais ça veut dire que peut-être depuis là, je suis fiquée dans le péché. Du coup, quand il rentrait comme ça, je vois demander. Quand il vient, tu dis qu'il est encore venu, le gars c'est encore venu, il va encore nous dire quoi. Justement, c'était ça, mais quand il ne vient pas, c'est moi qui appelle, qui mais tu ne viens pas. Mais dès qu'il arrive, c'est comme si, je sais pas, il y a le feu qui chauffe dans le fait. Je me dis, il va encore dire quoi que je fais de mauvais. En fait, parce qu'il a souvent l'habitude. Il ne te dit jamais que ce que tu fais n'est pas bien. Quand il veut prêcher, il dit que bon, aujourd'hui on va traverser tel, vous voulez qu'on traverse sur quoi? Souvent on dit bon, le mariage, souvent on dit Saint-Esprit, machin, ou la Bible, machin. Une fois on l'a dit, bon, on veut travailler sur le mariage. Ils ont dit, en fait, c'est que vous croyez que l'église bénit là comme mariage, c'est pas ce que Dieu reconnaît comme mariage. Mmh. Dieu reconnaît comme mariage, c'est quand quand on t'envoie que tes parents bénissent ton mariage, est-ce que tu es consentant? C'est ça le mariage. Ne croyez pas que c'est le fait d'aller à la mairie autre là qui fait que vous êtes marié. Vous avez encore dit, ha! En fait, il lui dit, mais moi, je savais que c'est parce que si. Il dit, non, si en partant de chez vous, tes parents ne t'ont pas béni, c'est que ce que tu fais là, c'est zéro macaron, tu vas être marié à la mairie et autre. Du coup, en fait, chaque fois qu'il venait à la maison, il y avait toujours un truc qui disait comme ça. Et là, comme ça, il dit, pourquoi vous percez les enfants fiers? Il lui dit, mais moi, j'ai grandi comme ça, pourquoi on ne doit pas percer? Là, je lui ai fait la remarque, parce que quand lui disait un truc, quand lui rentre, moi, je prends sa vie, je fais quelque chose, quand il va revenir, moi, je vais le concrétiser avec ce qui. Voilà. Je lui ai dit, mais regarde, il lui a parlé de l'histoire de Moïse, Aaron, ou quand Moïse a été allé sur la montagne, ils ont demandé aux femmes de. D'enlever les boucles. J'ai dit, ah, on va se les femmes, ils savent les boucles. Les boucles. Tu viens déranger les gens. Il dit, non, est-ce que quand Dieu t'avait créé, il y avait les boucles? En fait, du coup, il y a des jours, même quand je m'élevais comme ça, quand je mets ma boucle, c'est comme si. Vous savez, mes dicalettes, tes boucles, là, tu découvres la tête. C'est ce qu'il dit, ma soeur. Il y a l'impression que quand je souvent le matin, quand je me lève, j'ai même peur de ça. Tu me dis, peut-être que tu vas encore faire un truc de ça, le péché, ça va pas plaire à Dieu. Il me disait souvent, non, c'est quand tu viens de commencer, tu as l'impression, quand tu vas te plaire dans ta vie, tu vas comprendre que ce n'est pas une contrainte. Non, c'est un peu ça. Donc, et donc, quand tu as ouvert, tu es tombé sur prophétie, prophétie. Oui. Quand j'ai écouté ça, mais ça m'a fait paniquer. Waouh! Puisque Bruce en parlait déjà, mais. Et parce que souvent, il a souvent l'habitude de nous dire que lui n'est prophète, je sois. Et c'est quand il vient, si ça vous plaît, comme l'enfant là, machin, il m'a eu grandi. En fait, on ne le prend pas. Je crois que c'est même pour ça qu'il devait aller suivre Bamba Iba. Et du coup, quand on a commencé à suivre ça, maintenant, quand il vient, c'est plus avec le même regard qu'on écoutait à la maison. Quand j'ai écouté prophétie, mais je sais pas, ça m'a fait paniquer. Et dès moi, je disais, après, c'est mieux qu'on en parle. Avant, tu sais qu'on en parle. Je disais, mais si Dieu dit que notre époux, c'est l'autorité de notre maison, ce n'est pas que c'est le pasteur qui va te dire comment tu dois fonctionner, c'est ton mari qui est l'autorité. Pourquoi est-ce qu'au moment de faire son appel, ou bien au moment de notre reconversion, pourquoi est-ce qu'il ne touche pas d'abord le cœur du mari? Dieu, pour arranger les choses, pour que ça soit facile, il faut d'abord qu'il touche le cœur du mari pour rendre la chose facile. Voilà, justement, puisque la femme est sous l'autorité de l'homme. Voilà. Je disais ça. Mais je dis, je sais pas, parce que je disais que, parce que je sais pas comment je vais faire ici chez moi, parce que mon mari est tellement religieux que, merde, je sais même pas comment il peut me comprendre. Il me dit que non, il faut être une femme moderne. En fait, lui m'explique qu'en fait, pour reconvertir ton époux, tu dois être une épouse modèle. Donc, soumise à un point où lui ne s'imaginait pas. Là, il va se dire, waouh, c'est cela. Le Dieu qui est prié, c'est le bon Dieu. En fait, c'est comme ça, en fait. Et dans tes prières, chaque fois, tu dois demander qu'il touche le cœur de ton époux. Que ce n'est pas en faisant la force que ton époux, forcément, va croire. Parce que. Il avait conseillé qu'en fait, quand il venait sur la maison, quand mon époux qui rentre, dès qu'il marche, il va voir son match. Je lui disais toujours, tu veux qu'on s'en rende, on n'entend pas les dieux, tu veux qu'on s'en rende, tu veux comme ça, machin. Après, tu dis que tu es chrétien, viens écouter ce qu'on dit d'ailleurs. Il dit, je vais écouter, voilà, l'enfant des poussins, allez écouter. Un enfant qui a fait grandir ici. Je sais pas. Il est devenu pasteur quand Il dit, du coup, ça commence comme ça. Mais si tu fais comme ça, tu vas bien aller, tu es maintenant évangéliste. Parce que souvent, on a souvent l'habitude de l'appeler un évangéliste à la maison quand il dit. Du coup, quand il vient comme ça, maman, il demande qu'il y a Christ, il n'a pas d'église. Non, on dit que non, il n'a pas d'église. Il vient souvent nous exhorter comme ça. Donc, chaque fois, il s'était rendu compte, quand il vient à la maison, on parle la parole, non, c'est comme si on mettait la pression à mon ami qui lui aussi, il faut qu'il vienne écouter. Il me dit toujours, si vous faites comme ça, au contraire, ça va souvent l'endurcir. C'est pas ce qu'il a besoin. Vous devez faire, lui mettre au petit soin, tout ce qu'il veut. En fait, tous ces désirs doivent être les autres. Pour qu'il sente que le Dieu. Que vous servez, c'est le bon Dieu. Parce que, Moïse me disait aussi une fois, dans la Bible, il disait, malheur à toi, si c'est à cause de toi que le nom de Dieu. Tu blasphèmes. Voilà. Parce qu'une fois qu'on était en train de. Parce que dans la petite, quand il vient, soit on met le téléphone sur vibreur, soit on éteint pour ne pas être dérangé. Donc le téléphone était sur vibreur. Et mon époux, alors il a appelé longtemps. Je n'ai pas vu. C'est pas, je crois qu'il veut me donner une commission. Du coup, quand il arrive à la maison, il a commencé à la bavarder. Que j'appelle, tu te prends pour ce que fait d'église, c'est ce que Dieu vous apprend. Directement, ça fait vraiment, tu vois, ça c'est à cause de toi qu'on blasphème le Dieu. S'il avait appelé et que tu avais décroché, on s'est rapporté sur cette Donc, si c'est que ton mari va mettre sur vibre, tu mets sur toi comme ça, quand ton mari arrive, il appelle, tu décroches. Quand il va le faire un truc, même si tu entends la Bible, on interrompt, tu peux d'abord faire ce que ce qu'il a, il a besoin. Parce que si on a besoin, quand il peut se commencer, même si à 23h, moi je ne me lève pas de là, même si il rentre, c'est pas mon problème. Donc finalement, depuis que tu as écouté Brice, le comportement à la maison vis-à-vis de ton mari a changé drastiquement. Oui. Est-ce que tous ces enseignements qu'il vous donne, qu'il vous a donné, vous les femmes qui êtes mariées, est-ce que à l'Église catholique vous donne ça? On ne dit rien. Vous restez mariée. Après vous restez, vous avez en fait, les. C'est les mêmes prières. Même prière. Oui. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. C'est vrai qu'il y a mes brochures. Moi, je parce que je ne pas je suis catholique, mais je ne suis pas catholique. Trop dedans, tu es catholique de ton mari. De ton mari, justement. Oui, voilà. Donc je vais aussi parce qu'il est marié là-bas. Mm-hmm. Parce qu'en tant que mari, elle est tout même, quand ma mère dit à la maison, elle est tellement à l'aise avec les signes de croix qu'elle va en faire, puisque ma mère, elle est très religieuse. Elle est protestante. Oui. Elle proteste, continue à protester. Voilà. Mm-hmm. Elle est même conseillère à l'église. Mm-hmm. Conseillère. Justement, quand elle écoutait ça, elle est même conseillère à l'église. Donc du coup, ça. Et en temps, est-ce que tu as parlé à ta mère de tout ça? Oui, d'ailleurs, elle trouvait même que mon comportement a trop changé. Elle disait même qu'elle va en parler à mon mari, que l'église réveille que je vais à Pâques là, s'il ne me retient pas. Donc, ça veut dire comme tu as ton comportement changé de la bonne façon, il faut savoir qu'on te retient pour que tu ne sois pas trop bon. Oui, en fait, parce que. En fait, il y a les. Comment je vais dire ça après, il y a les attitudes que je n'avais pas avant. En fait, je me disais que c'est pas. Quand par exemple quelqu'un me demandait comment tu vas dire, ah ça va bien, en fait c'était comme si c'est parce que c'est de bon gré que je vais. Oh, en fait c'est parce que Dieu a décidé que je vais bien, que. En fait, donc maintenant quand tu me dis que ça vient bien par la grâce de voilà. Dieu. Elle dit pourquoi tu mets pas la grâce de Dieu là-dessus. En fait, elle trouve ça bizarre. En fait, elle dit, est-ce que ton affaire d'église là machin. Et aussi parce que quand elle vient par exemple, des mêmes musées qu'elle est trop au village, qu'il fallait faire machin, comment pas d'excuses. Attends, elle est conseillère à l'église protestante. Oui. Mais quand c'est fort, elle rentre au village rapidement. Justement, elle dit que non, dis-moi, Dieu, mais il y a aussi la tradition, machin. C'est ce qu'on vous enseigne chez les protestants. L'église protestante, c'est des marques de l'église catholique du fait que, au moins, ils ne font pas le culte de la tribu de Marie et autres, n'est-ce pas? Et comment se fait-il que vous vous retrouvez encore dans la tradition? Moi, parce que, en fait, ce qu'elle dit pour se consoler, c'est que même le pasteur prêche. Après, il va aussi là-bas. Ça veut dire que dans l'église protestante, les pasteurs aussi vont chez les marabouts. Oui. C'est quand même terrible. Même si officiellement. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, mais on le trouve quand même au village, elle fait la tradition de leur père. Courage, vraiment. Parce qu'elle dit non, mais le pasteur, il a prêché, mais même s'il ne dit pas, lui aussi, il fait les coutumes. En tout cas, elle est parmi les membres du conseil, donc ça veut dire qu'elle sait de quoi elle parle. Oui. C'est-à-dire que si le pasteur lui-même va au village pour résoudre le problème, sinon le Ndjoum va l'arrêter. Voilà, justement. À combien de fois toi? Justement. Et qu'est-ce que toi tu lui dis? En fait, moi, je lui ai dit que, en fait, moi, je crois que le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Donc, laisse-moi la faire que ton ancêtre marche. Et moi, je lui ai dit toujours qu'il n'y a pas de rapport entre le monde vivant et le monde des morts. D'ailleurs, parce que moi, quand ma grand-mère est décédée, on était là, on priait. Moi, je lui ai dit, c'est pourquoi vous priez. Et elle est déjà morte. Oui. Vous pouvez bien de prier. Voilà. Moi, je lui ai dit, en fait, pendant les messes que vous faites là, normalement, vous devez plutôt sensibiliser les gens qui sont encore en vie pour qu'eux se répandent. Pas celui qui est mort, son soin est scellé. Après, ce que vous m'avez expliqué, que quand quelqu'un meurt déjà là. Quand la Bible te dit ça, toi, je n'ai pas dit ça à ta mère. Oui. Je lui ai dit que. Et moi aussi, j'ai lu. J'ai aussi écouté. J'ai aussi lu l'histoire de Lazare. Et dans l'enseignement, vous avez aussi parlé de l'histoire de Lazare. Je lui ai dit qu'en fait, moi, je pense que s'il faut se repentir, c'est quand on est en vie. Parce que chaque fois, Bible nous dit, quand tu meurs en Christ, quand tu décèdes, tu vas dans le sein d'Abraham. Mais si tu ne meurs pas en Christ directement, c'est juste des morts. Donc, du coup, toutes les messes qu'on fait après là. Ça ne sert à rien. Voilà. S'il fallait faire ça, il fallait faire ça plutôt pour sensibiliser les gens qui sont encore en vie de se repentir. Parce que celui qui est mort, on ne sait pas là où il est parti. Si toi, tu veux parler, c'est juste des morts. Voilà. Donc, en fait, je crois que c'est ça qui a fait que ma mère a trouvé que j'étais bizarre. Mais, parce qu'avant, j'étais le genre où je ne suis pas dans les histoires qu'il fallait faire les lavages. Autant que tu me dis que non, lui, il va me mettre les mauvais esprits. Mais s'il fallait dire creuser les machines là, bon, je peux aussi faire. Tu peux aussi faire parce que c'est à l'extérieur. Voilà. Du moment où on va me blinder, on va me dire bois une potion machin, ça va creuser. Oui. C'est vrai qu'elle m'a donné ma grand-mère, elle m'a moi, avait dit, elle n'a plus ses affaires de. Enlever les crânes, machin. Au point là, si elle met son tête pour cimenter. Il ne peut pas les histoires qu'on va venir après, dire qu'on est. Enlever son tête, sa tête. Ma grand-mère, même mon grand-père, ils ont banni ça chez eux. Donc voilà, les grands-mères et les grands-pères qui sont de là, banni la tradition. Oui, je crois que mon grand-père, même à un moment donné, a même banni. Parce que c'est quand il lui a décidé que les gens ont dit qu'il fallait faire les funérailles de sa mère. Parce que lui-même, les funérailles, lui, il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'il faut aller à l'église, machin, c'est ce qu'il lui disait. Bon, ma mère a trouvé que j'étais devenue bizarre. Parce que mes frères disent, mais tu es devenue bizarre, on a fait le Dieu Jésus, là, tu peux aller dans quelle église? Donc maintenant, là, je pose la question, parce qu'on a le devoir là. Quand tu vis mal, les gens savent que tu vis mal. Maintenant, tu vis, ton comportement change en bien ou bien en mal. On dit église réveillée. Bon, quand ça change en bien, on a plutôt peur, plutôt. Pourquoi les gens appréhendent ça de cette façon? Frère Junior, moi je dirais que les gens appréhendent c'est ainsi parce qu'on s'est rendu. Bon, les exemples palpables où les gens, à un moment donné, se sont. Ont eu, pour le début, se comportaient, avaient changé, se comportaient bien et qu'ils allaient quelque part. Oui. Alors, on a vu les répercussions négatives sur les familles. Soit par exemple. Et soit avec le pasteur, soit après c'est qu'elle devient. Enfin, il y a toujours les trucs pas possibles. Des couacs qui vous ont fait des choses. Soit devient folle, soit. Il veut dire, soit elle ne vit plus quoi. Elle devient bizarre. On va lui dire non. Elle est... Il faut arrêter ton travail. Je ne pense pas que dans la Bible, tu dois arrêter de travailler. Dieu sait qu'on va travailler pour. On va travailler. Mais enfin, je me dis, c'est parce qu'il y a eu tellement de choses pas normales dans les églises que dès que tu as un comportement qui paraît trop normal. On dit que ça va aboutir là-bas. Ça va aboutir là-bas. On mélange tout. C'est pour ça que ma mère dit ton église réveillée là. J'espère que ton mari est au courant de ça. Il faut qu'il se trouve ça rapidement avant que tu ne t'appuies. Ok. Et lorsque tu as écouté sur le Bamba Iba, tu as écouté voici pourquoi il faut sortir de l'église catholique. Oui. Quelles sont les choses qui t'ont marqué donc? Je n'ai pas retenu, mais quand Frère Junior était en train de lire les versets bibliques là, il y a d'autres endroits où moi j'ai ouvert pour voir la reine du ciel. Ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à la reine du ciel. C'est vrai que le frère Bis m'avait parlé, mais il n'avait pas ouvert le verset parce que le jour où on était à face, il expliquait juste, il expliquait juste en l'air comme ça. Il disait que vous te mariez, que donc vous priez là. Sachez que ce n'est pas la mère de Jésus que vous priez. Vous priez un démon, vous ne savez pas. Avec moi, je suis resté qu'en tout cas, je me marie, je ne prie même plus ça, mais je n'étais pas convaincue. C'est quand j'ai écouté l'enseignement avec les dames là que j'ai compris qu'en fait, le mari compris là, qu'on apporte allégresse à un démon. Et toi? Ça, c'est Jérémie, maintenant, chapitre 7, verset. Oui, verset 16. 16, oui. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les enfants pétrissent la pâte. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Tu vois ça? Et le plus grave, c'est que cette reine du ciel, c'est Jérémie, a vécu longtemps avant que Jésus ne vienne sur la terre. C'est ça le vrai paradoxe. C'est-à-dire que cette reine du ciel existe depuis. Et Dieu dit, on a offert le gâteau à la reine du ciel. Et c'est un esprit. Et cet esprit, ça a vécu longtemps avant que les anciens arrivent grand-père. Ça, c'est 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Et donc, si c'est 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, et on appelle aujourd'hui reine du ciel, et que la personne, reine du ciel, existait avant cette personne, ça se pose que ce n'est qu'une machination de l'église catholique pour pousser à ce qu'on adore. Et tout à l'heure, je vais prendre ce livre dont tu parles pour que tu puisses voir. Bon, frère Junior, le souci, c'est que quand on nous apprend Marie qui défait le nœud, c'est avec les livres que tu as qu'on sait que Marie c'est encore reine du ciel. Parce que quand on écrit la prière là, ce n'est écrit nulle part que c'est la reine du ciel. Non, il y a un cantique à la reine du ciel dans l'église catholique. On va voir ça tout à l'heure. Donc, continue la lecture à haute voix, d'accord? Continue la lecture, d'accord? J'arrive. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qui l'irrite? Dit Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne se teindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc tu vois effectivement comment Dieu montre que les Juifs ont été toujours désobéissants. Et le plus grave, c'est vraiment que c'est l'esprit qui régnait sur eux, d'accord? Lorsqu'on va aller tout à l'heure dans le Nouveau Testament, on va encore voir cette même reine-là qui contrôle cette fois-ci le monde entier. Maintenant, je vais te donner ce livre, si tu vas lire doucement, de la même façon, à haute voix, le temps que tu trouves le cantique là, à la reine du ciel. Ça, c'est le livre L'apogée du christianisme. On te les dit Romains. L'apogée du christianisme, c'est l'histoire de la civilisation, c'est le tome 12 ici, d'accord? Le tome 12. Ça parle de l'apogée du christianisme, c'est-à-dire qu'on décrit le christianisme là, le christianisme de 1095 à 1300. Donc ça, il y a plusieurs autres livres, ça c'est le livre 5e. Alors tu lis doucement, à partir d'ici, tu peux lire là-bas, jusqu'à ce qu'on arrive ici, d'accord? Lis doucement. À haute voix. Oui, lis à haute voix. Une intelligence n'était pas une autorisation de commettre le péché. Une intelligence n'était pas une autorisation de commettre le péché, mais une exception totale ou partielle accordée par l'Église. Des peines de purgatoire mérité par un péché mortel. L'absolution donnée en confession ôtait au pécheur la faute qui l'aurait condamné à l'enfer. Mais elle ne l'absolvait pas de la peine temporelle due à son péché. Seule une petite minorité de chrétiens expiaient complètement leurs péchés sur la terre. Le bilan de ces expiations ne devait être établi qu'au purgatoire. Ma sœur, on est là. Tu peux lire un peu plus fort, s'il te plaît. L'Église prétendait au droit de remettre de telles peines par la transmission aux chrétiens pénitents qui remplaçait telle ou telle œuvre de piété ou de charité. D'une fraction du riche trésor de grâce accumulé par les souffrances et la mort du Christ et par les saints, dont les mérites avaient surpassé les péchés. Dès le 9e siècle, on accordait ainsi les indulgences. Quelques-unes furent accordées au 11e siècle aux pèlerins qui visitaient des édifices consacrés. La première indulgence plénière fut celle d'Urbain II, offrée en 1095 à ceux qui se joindraient à la première croisade. De là vint la coutume d'accorder certaines indulgences pour la répétition de certaines prières, pour l'assistance à certains offices, pour la construction de ponts, de routes, d'églises ou d'hôpitaux, pour le défrichement de forêts ou l'assèchement de marécages, pour la participation à une croisade, à une institution ecclésiastique, à un jubilé, à une guerre chrétienne. Le système fut utilisé très souvent pour des fins heureuses, mais ils ouvraient la voie à la cupidité humaine. L'Église désigna certains ecclésiastiques, ordinairement des moines, comme questiari, pour lever les fonds en offrant des indulgences en contrepartie de donations, de repentir et de prière. C'est placé en indulgence que les Anglais appelaient des pardonneurs, montraient peu à peu une ardeur et un esprit de concurrence qui scandalisait même chrétiens. Ils exhibaient de fausses ou vraies reliques pour exciter les gens à payer. Et ils conservaient pour eux-mêmes une part plus ou moins importante de leurs recettes. L'Église fit effort à plusieurs reprises pour réduire ces abus. Le quatrième concile de Lacran ordonna aux évêques de mettre les fidèles en garde contre les fausses reliques et les fausses lettres de créance. Il retira aux abbés le droit de promulguer des indulgences et limita celui des évêques. Et il invita tous les gens d'église à modérer leur zèle pour cette nouvelle pratique. En 1261, le concile de Mayence dénonça même questiari comme des charlatans qui exposaient des os d'hommes ou de bêtes comme reliques de saints. S'entraînaient à pleurer sur commande et offraient les choses du purgatoire contre un maximum d'argent et un minimum de prières. De semblables condamnations furent portées par les conciles de Vienne 1311 et de Ravenne 1317. Mais les abus continuèrent. Après le baptême, le sacrement le plus essentiel était l'Eucharistie ou Sainte Communion. L'Église avait pris à la lettre les mots attribués au Christ à la scène. Sur le pain, ceci est mon corps. Sur le vin, ceci est mon sang. Le caractère distinctif de la messe était la transubstantiation de l'hostie de farine et du calice de vin en chair et sang du Christ par le miraculeux pouvoir du prêtre. Et l'intention primitive de la messe était de permettre aux fidèles de participer au corps et au sang, à l'âme et à la divinité de la seconde personne de la Sainte Trinité en mangeant l'hostie consacrée et en buvant le vin consacré. Comme ce vin consacré risquait parfois d'être épanché au cours de la cérémonie, la coutume s'établit au cours du XIIe siècle de ne communier qu'avec l'hostie. Et lorsque certains esprits conservateurs, dont les vues furent plus tard adoptées par les outils de Bohème, demandèrent à communier sous les deux formes pour être sûr qu'ils recevaient aussi bien le sang que le corps du Christ. Des théologiens expliquaient que le sang du Seigneur était concomitant à son corps dans le pain, et que son corps était concomitant à son sang dans le vin. Des milliers de récits merveilleux racontaient la puissance de l'hostie consacrée pour chasser les démons, guérir les maladies, arrêter les incendies et découvrir les parjures par la suffocation des menteurs. On exigeait de chaque chrétien qu'il communie une fois dans l'année au moins, et la première communion du jeune chrétien devint l'occasion d'une cérémonie solennelle et d'une fête joyeuse. le dogme de la présence réelle se développa lentement. Il fut officiellement formulé pour la première fois par le Concile de Nicée en 787. En 855, un moine français, un bénédictin, enseignait que le pain et le vin consacrés étaient le corps et le sang du Christ spirituellement et non charnellement. Vers 1045, Béranger, archidiacre de Tours, mettait en doute la réalité de la transsubstantiation. Il fut excommunié. Et Lafran, abbé de Bec, lui écrivit une réfutation, 1063, qui exposait la vraie doctrine. Nous croyons que cette substance terrestre est, par ineffable, incompréhensible, opération de la puissance céleste, changée en l'essence du corps du Seigneur, tandis que l'apparence et certaines autres qualités demeurent inchangées, afin qu'il soit épargné aux hommes le choc de percevoir des matières crues et sanglante, et que les croyants reçoivent pleine récompense de leur foi. Cependant, en même temps, le même corps du Seigneur est aux cieux, inviolé, entier, sans souillure ou blessure. Cette doctrine fut proclamée dogme essentiel de l'Église par le Concile de Lacran de 1215 et le Concile de Trente en 1560 ajouta que chaque particule de l'hostie consacrée, si brisée qu'elle soit, contient en entier le corps, le sang et l'âme de Jésus-Christ. Ainsi, l'un des plus vieux rites de la religion primitive, la manducation du lieu, est pratiqué et révéré sur une vaste échelle dans la civilisation européenne et américaine d'aujourd'hui. En faisant du mariage un sacrement, un vœu sacré, l'Église augmenta immensément la dignité et la stabilité du lien matrimonial. Maman, ça... Dans le sacrement de l'ordination, l'évêque conférait au nouveau prêtre quelques-uns des pouvoirs spirituels hérités des apôtres et que l'on présumait leur avoir été donné par Dieu lui-même en la personne du Christ. Et dans le sacrement terminal, l'extrême onction, le prêtre, après avoir écouté la confession du chrétien, mourant et lui avoir donné l'absolution qui le sauvait de l'enfer, lui oignait les membres de façon que ceux-ci fussent purifiés de tout péché et prêts pour la résurrection devant le juge. On lui donnait ensuite, après la mort, une sépulture chrétienne en place de la crémation païenne, parce que l'Église croyait à la résurrection des corps eux-mêmes. On l'enveloppait donc dans un sueur. On mettait dans son cercle une pièce de monnaie, comme pour le péage de Charon. Et on le portait au tombeau avec des cérémonies solennelles et coûteuses. On pouvait louer les pleureurs ou pleureuses. Les parents gardaient le deuil pendant un an et personne ne pouvait affirmer après une douleur si longtemps affichée qu'un cœur contrit et le mystère du prêtre avait assuré au défunt la garantie du paradis. La prière. Dans toute grande religion, le rituel est aussi nécessaire que le dogme. Il instruit, alimente et souvent engendre la foi. Il met le croyant en réconfortant contact avec son Dieu. Il charme les sens et l'âme par tout ce qu'il contient de grammes, de poésie et d'art. Il relie les individus en une communauté de frères, en les amenant à participer au même rythme, au même chant, aux mêmes prières et enfin eux-mêmes pensées. En mode silencieux. Les plus anciennes prières chrétiennes étaient le parterre. J'espère que ce n'est pas ton mari alors. Non. Ah, mais dans ce cas, il faut non, mais ça, là, ça vibre cette fois-ci. Ça vibre, tu n'as pas mis en mode silencieux. En mode silencieux, ça ne vibre pas du tout. Les plus anciennes prières chrétiennes étaient le parterre et le credo. Vers la fin du XIIe siècle, la tendre et intime prière de l'Ave Maria commença à prendre forme. Tu entends ça? Donc l'Ave Maria a commencé à quel moment? XIIe siècle. XIIe siècle. Ça veut dire que si c'est XIIe siècle, ça veut dire que plus de 1000 ans, on n'en faisait pas quand, n'est-ce pas? Tu vois qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Donc, continue à l'étudier, ne sois pas découragé. Ce n'est que le début. Et il y eut des litanies poétiques, de louanges et de supplications. Quelques-unes des prières médiévales touchent à l'incantation magique, tentant à provoquer des miracles. Entends ça. Tout à l'heure, tu as dit que, que pourquoi tu pries l'Ave Maria ou bien le mari qui donne le nom, ça donne. Continue. D'autres ne sont qu'une importune réitération qui ne tient aucun compte de la défense faite par le Christ. Celui-ci qui écrit, ce n'est pas un chrétien. C'est Will Durant, c'est un païen. Il dit que cette répétition que vous faites là, ça ne tient aucun compte de ce que le Christ a recommandé. Et il va dans la Bible. Continuons. À propos des répétitions vaines. Tu entends? Tu priais souvent Ave Maria combien de fois? J'appelais, c'est 10 fois. Ça fait 50 fois. Et notre, en fait, on fait 10 jours, salut Marie, un autre Père et je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, tout ça. Comment fait, on n'est pas fatigué? Ça fait que j'ai moins de moi, ça me fatiguait. Continue là-bas, continue. Les moines et les nonnes, puis les laïcs. D'après une coutume orientale rapportée par les croisés, développaient graduellement le rosaire. J'entends. Wow. D'après une coutume quoi, orientale. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand tu fais les coutumes, vos trucs que vous faites, vous faites comme les musulmans. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore le musulman sur la place, mais c'est une coutume orientale. Dans le Tibet, les bouddhistes font ces choses-là. De même que cette machine à prière était popularisée par les dominicains, les franciscains, eux, popularisaient la Via Crucis, ou chemin de croix. Les catholiques ont fait ça. Mais c'est vous qui connaissez le c'est ça qui demandait que tu lises toi-même, tu entres en contact avec ça, d'accord? Donc, en réalité, quand les gens nous écoutent dans l'église catholique, la première réaction, c'est que vous nous jugez. C'est Christ qui a laissé l'église. Mais on voit effectivement que 12 siècles avant, il n'y avait pas la prière de Marie. Au fur et à mesure, on donne les dates. Ce sont les choses qui sont dans l'histoire qu'on peut retrouver. Normalement, ceux qui sont dans l'église catholique doivent comprendre, doivent se poser des questions sur les rituels qu'ils font. C'est-à-dire que vous devez vous poser des questions. L'Ave Maria, ça vient d'où? Et puis maintenant, si ça ne vient pas de la Bible, vous mettez ça du côté. Le chemin de la croix, ça vient d'où? Alors, ce sont les franciscains qui ont amené ça, parce qu'il y avait deux branches de courant dans les catholiques, les franciscains et les dominicains, comme on a dit là. Les dominicains amènent leur doctrine, les franciscains amènent leur doctrine. Donc vous êtes un panaché des mélanges orientaux, la magie, ainsi de suite, et tous les rituels et les autres coutumes. Continuons. Dans lequel l'adorateur récite des prières devant chacun des 14 tableaux. Aux sculptures représentant les étapes de la passion. Prêtres, moines, nonnes et certains laïcs chantaient ou récitaient les heures canoniales. Prières, leçons ou sommes et hymnes rédigés par Saint Benoît. Et d'autres et rassemblés en un bréviarium par l'Alcyon et Grégoire VII. Chaque jour et chaque nuit à un intervalle d'environ 3 heures. C'est ce que vous faites? Oui, chez les célestes, on priait comme ça. Donc, ça veut dire que les célestes sont les petites sœurs de l'Église catholique, puisqu'ils portent même le blanc. Continue, ma chère. Aïe, 2 millions de chapelles et de chœurs. Ces prières conspiraient pour assiéger le ciel. Leur musique doit avoir été plaisante au foyer qui pouvait les entendre. Du sil cantilena divini cultus, dit Ordericus Vitalis. Quia corda fidelium. C'est comme ça qu'il faut, il nous complique ça en latin, il complique ça pour que les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas? Continue. D'où est le chant du culte divin qui apaise et réjouit le cœur des fidèles. Les prières officielles de l'Église étaient souvent adressées à Dieu le Père. Un petit nombre invoquait le Saint-Esprit. Oui. Mais les prières du peuple s'adressaient surtout à Jésus. Tu entends ça? Le peuple s'adressait surtout à Jésus. Continuons. À Marie et au Saint. Le Tout-Puissant était redouté. Donc on ne voulait même pas aborder Dieu parce que lui, pourquoi? On va vous expliquer le pourquoi. Il comportait encore dans la conception populaire beaucoup de la sévérité qu'il avait héritée du vieux Yahweh. Tu entends? Donc ça veut dire que d'après ce qu'on a dit, on dit que les gens n'aimaient pas aborder, prier trop Dieu. Parce qu'on pense que lui, il est trop sévère. Donc il préfère s'adresser à Jésus, Marie et les saints. Continuons. Comment un saint pécheur aurait-il osé porter ses prières devant un trône si terrible et si lointain? Jésus était plus proche, mais lui aussi était Dieu. Et on ne se hasardait guère à lui parler face à face après avoir si totalement négligé ses béatitudes. Il semblait plus prudent de déposer ses prières au pied d'un saint. Donc que ce soit lui qui s'en charge d'aller donner ça à Jésus. Tu vois cela? Dont la canonisation assurait qu'il était bien au ciel. Ça veut dire que c'est quand on canonise, on sait que ok, bref, il est au ciel. Et de le prier d'intervenir auprès du Christ. Saint ou sainte, d'ailleurs. Continue, ma chère. Tout le polythéisme poétique et populaire de l'Antiquité ressuscita d'un passé qui n'était jamais complètement mort. Alors, maintenant, je veux que toi-même tu expliques la phrase que tu viens de lire. En fait, c'est un ensemble de religions qui se mélangeaient comme ça pour créer une autre. Donc, ça veut dire qu'on dit tout le polythéisme qui était jadis couché ressuscité. Dans l'Église catholique, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. C'est vrai que tout ce qu'on dit, c'est pas nouveau, c'est juste qu'on a existé depuis. C'est au fur et à mesure. Quand tu vas lire dans cela, tu vas voir effectivement cela. Continuons. Et remplit le culte chrétien d'une réconfortante communion des esprits. J'entends ça, la communion des esprits. Donc ça dit que comme ils ont trouvé ce nom, c'est pour ça qu'on a commencé à modifier. On dit Saint Benoît, Saint Cécile, Saint Cécile, que vous priez, Saint Rita. Ce sont des anciens païens, des divinités, qu'on a donné le nom chrétien. Continuons. D'une fraternelle intimité entre ciel et terre, qui compensait les sombres éléments de la religion. Il y avait un saint patron, comme il y avait eu à Rome un dieu particulier. Pour chaque nation, chaque ville, chaque abbaye, chaque église, chaque métier, chaque âme et chaque événement grave de la vie. L'Angleterre avait Saint Georges, la France Saint Denis. Tu entends ça? Et là, maintenant, il y a le stade Saint-Denis. En France, on dit Saint-Denis. Les gens entendent quand il y a Saint là-dessus. On croit que non, le stade est attribué à un saint. Pourtant, ça a un démon. N'est-ce pas? On attribue le saint à chaque jour, à chaque pays. Continue. Saint-Barthélemy était le patron des tanneurs. Parce qu'il avait été flagellé vivant. Saint Jean était invoqué par les chandeliers parce qu'il avait été plongé dans un chaudron d'huile bouillante. Mais c'est l'apôtre, c'est pas l'apôtre Jean. Mais c'est pas lui dont on parle. On en a parlé d'une autre personne, mais il faut qu'on prenne le genre de la Bible pour attribuer la Bible, pour qu'on croit que c'est ça. Continuons. Saint Christophe était le patron des passeurs parce qu'il avait porté le Christ sur ses épaules. Marie-Madeleine recevait les supplications des parfumeurs parce qu'elle avait versé des huiles aromatiques sur les pieds du Sauveur. Pour chaque crise ou chaque maladie, les hommes avaient un ami dans les cieux. Saint Sébastien et Saint Roch avaient grande clientèle en temps de peste. Sainte Apolline, dont la mâchoire avait été brisée par les bourreaux, guérissait les maux de dents. Saint Blaise soignait les maux de gorge. Saint Cornel protégeait les bœufs. Saint Gall les poussins. Saint Antoine les cochons. Les cochons, toi même le porc. Il y a un saint qui protège le porc sur la terre. Continue. Toi-même, tu vois les sapins, là vous êtes. Saint Médard était en France le saint le plus sollicité pour la pluie. Quand il n'obtempérait pas, ses adorateurs impatients jetaient parfois sa statue dans l'eau. Peut-être par un rite de magie imitative. L'église avait établi un calendrier ecclésiastique dans lequel chaque jour célébrait la mémoire d'un saint. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Saint Rita, Saint Sébastien. Voilà, continue. Mais l'année ne laissait pas assez de place pour les 25 000 saints canonisés depuis les origines jusqu'au 10e siècle. Ça veut dire que si on veut attribuer un saint à chaque jour, ça ne peut pas suffire pour les 25 000. Continuons. Le calendrier des saints était si familier au peuple que l'almanach divisait l'année agricole d'après le nom. En France, la Saint-Georges était le jour des semailles. En Angleterre, la Saint-Valentin marquait la fin de l'hiver. En cet heureux jour, les oiseaux, disait-on, s'accouplaient avec ardeur dans les bois et les jeunes gens déposaient des fleurs sur le bord de la fenêtre. Tu entends, tu vois maintenant l'origine de Saint-Valentin, non? Continue. Donc, ça veut dire, quand les gens peuvent dire, oh, Saint-Valentin, ce sont les esprits des oiseaux qui s'accouplent dans les bois. Continue. Ah. Tu vois que les catholiques doivent interroger leur passé, interroger les doctrines, interroger ce qu'ils invoquent pour voir si c'est conforme à la Bible. D'accord? Continue. Beaucoup de saints ne furent canonisés qu'à cause de l'insistance avec laquelle les gens de leur ville ou village continuaient à révérer leur mémoire. Parfois même en dépit de la résistance ecclésiastique. Donc ça veut dire que souvent même les ecclésiastiques disaient que non, vous exagérez. On ne veut pas le faire. Les gens insistent parce qu'eux, on le canonise. Alors est-ce que ce sont les hommes sur la terre qui ont décidé que d'autres personnes sont saints? Alors continuons. Des images des saints étaient placées dans les églises et les jardins publics. Sur les maisons et sur les routes, et recevait un culte spontané qui scandalisait quelques philosophes et les iconoclastes. L'évêque Claude de Turin se plaignait que bien des gens adorent les images des saints. Ils n'ont pas abandonné les idoles. Ils n'ont fait qu'en changer. Ils n'ont pas abandonné, ils ont juste changé. Continue. Sur ce point, au moins, la volonté et les besoins du peuple ont créé la forme du culte. Donc, ce sont les peuples qui ont créé la forme du culte. Continue. Avec tant de saints, il devait y avoir force relique. Os, cheveux, vêtements ou tout ce qu'il avait utilisé. Chaque autel recouvre un ou plusieurs de ses souvenirs sacrés. La basilique de Saint-Pierre. Se glorifier les corps de Pierre et de Paul. Ce qui fit de Rome le but principal des pèlerinages européens. Une église de Saint-Omer prétendait posséder les morceaux de la vraie croix, de la lance qui avait percé le Christ. Tu entends les différentes positions que les gens ont au courant de l'année, au courant des siècles. De son berceau et de son tombeau. Donc l'autre dit qu'on a son tombeau, l'autre dit qu'on a la ceinture, on a dit que l'autre a le clou même qui l'ont percé. De la manne qui était tombée du ciel. Oui, l'autre dit que nous avons même la manne qu'Aaron a fait. de la verge d'Aaron, de l'autel sur lequel Saint Pierre avait dit la messe, de la chevelure, du capuchon, de la haie et chute de tonsure. Donc tu vois, ma chère, que l'Église catholique constituait des fables, constituait des différentes faces, de l'idolâtrie païenne. Mais comme c'est moderne maintenant, les gens n'osent pas trop entrer dans les détails. Ils disent, non, si tu veux entrer trop dans les détails, tu vas te perdre. Ça, ce n'est que le premier. Voici le livre ici. On ne comprend. C'est qu'on est ignorant, on ne connaît pas la vérité. Donc, alors maintenant, il faut donc que lorsque les gens viennent comme ça, comme toi, interrogeant, comme tu as écouté les autres interrogés, on leur montre la vérité. Quitte à maintenant ce que les gens te croient. Alors, on va rapidement ici à la page 300. Oui, ma soeur. Qui a rédigé ce livre? C'est Will Durand. C'est facile de trouver. C'est l'histoire ici. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est l'histoire. C'est l'apogée du christianisme. C'est par Will Durand. D'accord? C'est une histoire qu'il a écrit. C'est une histoire. Vous pouvez retrouver ça sur Internet en tapant Will Durand, l'apogée du christianisme. Vous allez trouver tous les tomes là-bas. Voilà ça. Donc, prenons ici. Allons-y à partir d'ici maintenant. À l'émouvant rituel de ses prières, de ses hymnes et de la messe, l'Église ajouta les imposantes cérémonies et les processions de ses fêtes religieuses. Oui. Dans les pays du Nord, la fête de la Nativité reprit les rites aimables avec lesquels les teutons païens avaient célébré la victoire du soleil. Donc, ça veut dire que la fête de Noël a été prise depuis les gens du Nord qui les célébraient d'abord longtemps avant. Mais on a mis maintenant le nom de Jésus dedans. Continuons. Courage, bonne arrivée là. Comment, cher? C'est bien compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et aux enfants à qui on a appris les paroles. Il faut leur dire maintenant que c'est du mensonge. Frère, je comprends ce que tu dis. On va dire ce mensonge, mais quand on va à l'école. Il faut leur dire. Mais les nôtres aussi vont à l'école. On leur dit clairement. En décembre, ils célèbrent pas cela. D'accord? C'est pour ça que quand j'inscris mes enfants dans une école, je leur dis clairement que cette fête-là, ils ne célèbrent pas ça. Donc, on n'est pas plus géré. On ne gère pas leur sensibilité. D'accord? Non, pendant les fêtes. On le retire de l'école. Ils font ce qu'ils ont à faire là-bas. Continue la lecture, ma chère. C'est ce qui est intéressant. Mais c'est compliqué, hein? Compliqué. Les teutons païens avaient célébré la victoire du soleil aux sorties d'hiver sur la nuit envahissante. De là, les bûches de Noël qui brûlaient dans les foyers allemands, français, anglais et scandinaves, et les arbres de Noël chargés de présents et les joyeux festoiements qui éprouvaient les estomacs les plus solides jusqu'à la nuit des rois. Il y avait d'innombrables autres fêtes, Épiphanie, la circoncision, le dimanche des rameaux, Pâques, Ascension. Pâques écrit comment là-bas? P-A, accent circonflexe. À haute voix un peu. P, A, accent circonflexe. Oui. Q-U-E-S. Dans la Bible, tu ne vois pas Pâques comme ça avec S. Donc ça n'a rien à voir avec ce que la Bible appelle Pâques. Continue. L'ascension. La Pentecôte. Oui. De tels jours et à un moindre degré, les dimanches ordinaires. Oui. Étaient des événements passionnants dans la vie de l'homme au Moyen-Âge. Pour Pâques, il confessait ceux des péchés dont il se souvenait, se baignait, coupait ses cheveux ou sa barbe, revêtait ses habits les plus beaux et les moins confortables, recevait Dieu dans l'Eucharistie et ressentait plus profondément que jamais l'importance de ce grand chrétien dont il devenait un personnage. Dans beaucoup de villes, aux trois derniers jours de la semaine sainte, on représentait à l'église les événements de la passion dans une sorte de pièce religieuse avec un dialogue et du plein chant. Et plusieurs autres dates de l'année ecclésiastique étaient marquées par de tels mystères. Oui. Vers 1240, la date est donnée. Longtemps avant. Julien, la prieur d'un couvent près de Liège, raconta au curé du village qu'une vision surnaturelle lui avait révélé avec insistant la nécessité d'honorer par une festivité solennelle le corps du Christ transubstancié dans l'Eucharistie. Mm-hmm. En 1262, le pape Urbain IV sanctionna cette célébration et confia à Saint Thomas d'Aquin. Oui. Vous entendez parler de Saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? Il y a ce horloge partout là. Il y a une paroisse à l'université Saint Thomas d'Aquin. Oui, et lui, c'est un philosophe. Oui. Continue. Et on confia, le pape Urbain IV confia à Saint Thomas d'Aquin la composition d'un office à cet effet, y compris les hymnes et prières appropriées. Le philosophe s'acquitta dignement de cette commission. Oui. Et en 1311, oui, la fête de Dieu fut finalement instaurée. La fête de Dieu, n'est-ce pas? La fête de Dieu, ça veut dire que c'est la doctrine de la transubstantiation. Oui. Fut finalement instauré et fut célébré le premier jeudi après la Pentecôte. Tu as vu son origine, non? En 1240, puis en 1300, on sanctionne cela, on appelle ça les dogmes. Et comme c'est le pape qui le sanctionne, c'est irrévocable. On adopte. On adopte. Continuons. Avec la procession la plus imposante de toute l'année chrétienne, de telles cérémonies attiraient d'immenses foules et exaltaient d'innombrables participants. Elles ouvraient la voie au théâtre laïque du Moyen-Âge et elles servaient en même temps que les déploiements de pompes des corporations, que les tournois et les initiations chevaleresques, que les couronnements de rois a occupé avec de pieux divertissements et des spectacles raffinés, les loisirs occasionnés de gens qui n'étaient pas de nature disposée à respecter l'ordre et la paix. L'Église basa sa technique de moralisation par la foi, non sur les arguments de raison, mais sur des appels au sens, au moyen du grand, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la littérature d'imagination et de la poésie. Et l'on doit reconnaître que des appels de ce genre à la sensibilité universelle rencontrent plus de succès. Oui. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, que des excitations qui s'agressent uniquement à l'intelligence individuelle. C'est par de tels appels que l'Église a créé l'art médiéval. Tu entends ça? Continuons, ma chère. Ça, c'est la doctrine de la transubstantiation. Donc, ce que vous dites, que dans le corps, quand vous mangez la communion, il y a le corps de Christ dedans. Voilà où sont l'origine. Donc, après, a une soi-disant révélation. Oui, et dit que la vision vient avec insistance. Maintenant, lis ces cantiques qu'on chantait à chaque fois. Ces cantiques-ci. Voilà le cantique que les gens chantaient. Allons-y. Rome, ô noble ville, ô maîtresse du monde. Dit que Rome est maîtresse du. Maîtresse du monde. Tu as remarqué que j'ai écrit Apocalypse, j'avais 17 là-bas, parce qu'on parle de ça dans la Bible. C'est une prostituée. Oui. Toi-même, tu es déjà forte comme ça. En plus, tu as parlé. Ok, continue. Lis. Ça, c'est le cantique que les gens chantaient pendant qu'ils en 1299, d'accord? Lis à partir d'ici, donc, avant de toucher ça. Allons-y. En 1299, oui, le pape Boniface VIII décréta un jubilé pour 1300 et offrit une indulgence plénière à tous ceux qui viendraient prier à Saint-Pierre cette année-là. On estima qu'il n'y eut pas de jour durant ces 12 mois où Rome est tenue dans ses murs moins de 20 000 étrangers et un total de 2 millions de visiteurs, chacun portant une modeste offrande, déposait au pied de Saint-Pierre un tel trésor que deux prêtres. Tu entends ça? 2 millions de personnes. Imagine l'offrande que le pape a eue. Parce qu'il a dit qu'il venait vous donner l'indulgence. Il a dit qu'il va pardonner les péchés et pour tous ceux qui vont venir à Rome. Par conséquent, chacun a couru pour aller à Rome pour que le pape pardonne son péché. Continuons la chaîne. Râteau en main était occupé nuit et jour à ramasser les pièces de monnaie. Râteau en main occupé nuit et jour. Donc on portait les pièces comme ça, exactement comme on transporte les sables. Tu as pour verser quelque part. Continue. Des guides manuscrits enseignaient aux pèlerins les chemins à prendre et les endroits à visiter sur leur route ou à destination. Nous pouvons difficilement imaginer l'exaltation de ces pèlerins là et poudreux quand à l'horizon apparaissait enfin la cité sainte. Donc quand ils voyaient le Vatican, quand ils commencent à marcher, ils voyaient, et là maintenant le chant va venir. Et qu'ils entonnaient le choral de joie et de louange. Rome. Oh Rome. Oh noble ville. Oh noble ville. Oh maîtresse du monde. Oh maîtresse du monde. Garde bien le mot maîtresse du monde. Quand on dit maîtresse, ça se pose que c'est une femme. Quand on dit qu'un homme a une maîtresse, tu comprends ce que ça veut dire? Avec le mari de frère. Voilà. La Bible déclare que c'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés. N'est-ce pas, de cette prostitution? Continue. De toutes les cités, toi la plus éminente, rouge du sang vermeil, conversait les martyrs. Tiens ça. Rouge du sang vermeil, conversait les martyrs. Et dans cette apogée du christianisme, ça commence en 1090 pour montrer effectivement que les castes, les différents croisades ont été ordonnés par le pape pour verser du sang des chrétiens. Continue. Merci. Blanche de la candeur, liliale des vierges, reçois notre salut, oui. Ô Rome, à tout jamais. Oui. Gloire à toi, sois béni à travers tous les siècles. J'entends ça. Donc aujourd'hui, on cache ça aux catholiques parce que si on chante ça, les gens sont plus vigilants. Aujourd'hui, ils sauront que quelque chose ne va pas. Alors, le 327 là. Reprenons ici. Il veut que tu lises ici. Encore là. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. Je crois que c'est la sublimation. Prenons ici. Voilà, dites à partir d'ici. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère. La déesse mère. Païenne en l'adoration de Marie. Continue. C'est choquant, ma soeur. Il est plus bien lire pour comprendre. Oui, lire vraiment bien. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère. Si tu vois ici, si tu lis, si tu vas voir effectivement ce qu'on a de dire par rapport à cette. Parce qu'on a parlé de sublimation, comment il y a des changements. Lis ici. L'église s'aperçut. Non, ici, à partir de là. Ici. Ok. Et le titre papal de Pontifex Maximus était des lettres de l'ancienne Rome. L'Église s'aperçut que des paysans convertis reverraient encore certaines sources, oui. Des puits, oui. Des arbres et des pierres. Oui. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien. Tu entends ça? Et par conséquent? Que de briser trop brusquement avec une continuité sentimentale. Donc, ça dit qu'elle n'a pas voulu briser les sentiments des gens. Comme les gens adoraient la rivière, on dit, ok, votre rivière, si vous dites que c'est Mami Wata, on va maintenant dire que c'est la Sainte-Cécile. Donc, Mami Wata, on change seulement son nom pour que ça ne brise pas trop le sentiment des gens. On dit, c'est Sainte-Cécile. Et par contre, quand quelqu'un va à la rivière, il dit que pas adore Mami Wata, on dit que Mami Wata, on dit Sainte-Cécile. Donc, continuons maintenant avec notre triomphe ici. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante. Ça veut dire que, en fait, pour toutes les adaptations que l'Église catholique a fait des cultes païens vers la chrétienté, c'est pour Marie qui est la plus subliminale. Allons-y. Fut la sublimation des cultes de la déesse, mais païenne, en l'adoration de Marie. Donc, chez les païens, il y a une femme mère qui porte un enfant. Et par conséquent, la similitude n'a pas été difficile à adopter avec au niveau de Marie qui a l'enfant Jésus. D'accord? Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril achevait d'Alexandrie, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, applique à Marie beaucoup de thèmes que les païens employaient pour la grande déesse. D'Éphèse. Diane Artemis. Arrête là-bas, tu vas relire encore cette phrase-là. On va aller dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, maintenant, on va voir que cette Diane-là a existé, justement. Les actes des apôtres, peut-être. Diane qui a marché pour venir voir Salomon. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est la reine de Saba. Regardons ici, à partir des. Voilà, lisons à partir du verset 17. Pour descendre, lisons à partir du verset 17 du chapitre 19 des actes des apôtres. Cela fut connu de tous les juifs. Et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Parce qu'on a parlé d'Éphèse, c'est qu'ils étaient renvoyés là-bas dans la Bible. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Oui. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tu vois que quand les disciples prêchaient, les disciples de Jésus-Christ prêchaient, il y avait une nuit rouge où les gens ne franchissaient pas. Il y avait transformation et par conséquent, ceux qui avaient pratiqué quelque chose, on les détruisait seulement. Mm-hmm. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Mm-hmm. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Mm-hmm. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, mm-hmm. Timothée et Eraste. Mm-hmm. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Oui. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Tu entends ça? Donc, ici, on parle de ceux qui fabriquent les idoles, de cette femme-là qu'on appelle qui? Diane. Donc, ça, c'est un païen qui a écrit l'autre aussi. Là, ça se trouve dans la Bible. Donc, celui-ci écrit comme ça, ça se rend compte que dans la Bible, c'est écrit. Si, ça se passe longtemps avant que Jésus ne vienne. Oui, eux ne voulaient pas que on vient pour Jésus parce qu'on ne veut plus acheter leur statue. Ah, tu as bien compris. Tu es un catholique qui comprend facilement. Hein? Donc, tu vois, ici, là, ça se trouve plus de 400 ans. Regarde bien. 400 ans, ça, c'est après Jésus. Jésus soit venu, il est parti. Donc, les apôtres sont morts, la Bible est écrite. Et puis, on voit que cette même personne-ci, cette même divinité continue là-bas. Suivant ce qui va se passer à Rome, à Éphèse là-bas. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Mm-hmm. Un nommé Démétrius offert fabriquait en argent des temples de Diane, mm-hmm. et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Mm-hmm. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, mm-hmm. Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Mm-hmm. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, mm-hmm. en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Mm-hmm. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrétion. Mm-hmm. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Oui. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Tu entends ça? Donc elle est révélée non seulement en Asie, mais au monde entier. Dans le monde entier. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Mm-hmm. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre. C'est bon. Voilà, ça c'est la Bible. Dans le livre d'Actes, chapitre 19. Donc revenons ici. L'initiative, oui, hein? En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, mm-hmm. dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, appliqua à Marie d'autres, à Marie beaucoup de thèmes que les païens employaient pour la grande déesse. Donc elle a commencé à mettre la similitude entre Marie et la grande déesse qui? Diane. Continue. Diane Artemis. Mm-hmm. Et le consul des fêtes de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, mm-hmm. sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Oui. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarté. C'est l'un de ses noms. Mm-hmm. De Cybèle. C'est l'un de ses noms. D'Artémis. C'est l'un de ses noms. De Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. J'entends ça. Donc, celui qui sait Marie en priant Marie, vous en avez pris un démon. Ça, il n'y a même pas à dire là-dessus. Astarté, ce sont les différents noms qu'elle a pris au courant de ses, selon les cultures. Et maintenant, la Bible déclare cet homme-ci déclare qu'il y a un monsieur qu'on appelle Nestorius qui a protesté que ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et c'est dans le pays où Diane régnait qu'on a sanctionné Marie, mère de Dieu. Donc, au fur et à mesure, comme le peuple connaissait effectivement qui est cette Marie, qui est cette Éphèse, Diane d'Éphèse là, on a directement tourné en disant que okay, votre Diane maintenant s'appelle Marie. Marie. Alors maintenant, qu'est-ce que l'église catholique, ceux qui sont dans l'église catholique, ils prient, vous pouvez être sincère, mais la sincérité, si tu bois du poison, étant sincère, ça va quand même te tuer. D'accord? Si tu dis que non, je suis sincère, le serpent s'y est doux, je mets quand même ma main dans ça, ça va quand même te mordre et tu risques de mourir. Tu vois, il faut sortir de l'église catholique, pas vrai? C'est vrai. Parce que c'est une église, on a vu depuis le début là-bas que c'est une réunion de beaucoup de ce qu'on appelle saints aujourd'hui. On a bien vu là-bas dans ce développement que ce sont des païens qui ont envoyé ces esprits-là. C'est la culte, c'est le polythéisme, l'église catholique est polythéiste. Puisque la prière doit être dirigée seulement à Dieu. Ici, on dirige aux saints selon les besoins. C'est exactement comme les dieux indiens. Chez les indiens, il y a tellement de dieux que tu peux prier celui-ci, tu pries Vashti, tu pries Krishna, selon les besoins que tu as. L'église catholique, c'est comme ça. Tu vois ça, ma chère? Ok, ferme ces documents. Mais frère, moi, j'ai un souci. Quel est le souci? Si, bon, d'abord, c'est ce que j'ai souvent entendu, ce que je sais. Oui. Si c'est Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, pourquoi est-ce qu'il laisse le malin détourner les enfants? Parce qu'il a un plan là-dessus. Le malin ne détourne pas ses enfants. La preuve est que tu es voici aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui vont entendre, ils vont dire les gens s'y dérangent, ce sont les sectes, ils ne veulent pas y écouter. Mais toi, tu as prêté attention, tu as prêté oreille. Ça veut dire que si Satan essaie de détruire les enfants de Dieu n'importe comment, il ne pourra pas parce que Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Personne ne peut les arracher de mes mains. Donc Satan peut avoir détourné les gens n'importe comment d'une certaine façon, mais tôt ou tard, Dieu les fait revenir. Aucun de ses enfants ne peut se perdre. D'accord. En fait, quand je dis c'est... Parce que tu vois le nombre qu'il y a là-bas. Oui, et il y a les gens même, je ne vais pas vous mentir, qui sont même là, mais quand je regarde le comportement, c'est des gens qui sont admirables, que je veux dire, même moi qui crois là, je ne suis pas sûr que je me comporte bien comme eux, ils sont tellement bien dans la façon de faire. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas mis le salut dans le comportement, il n'a pas mis le salut dans les actes moraux, il a mis le salut en Jésus-Christ, pour que ce soit par foi qu'on y accède, pas par les œuvres. Parce que si c'est comme ça que tu regardes, tu vas remarquer que les musulmans, ceux de la religion musulmane, se comportent mieux que les chrétiens. Dans leur sincérité. Ils sont hypocrites. L'âme hypocrite, mais peut-être quelqu'un te dira que la personne que tu as vue là, c'est elle qui est le chef des sorciers dans la nuit. Parce que tu ne vois pas de l'autre côté. On a dit qu'on a vu beaucoup de grands-mamans qui sont à 5 heures pour aller, c'est elles qui sont la cloche de l'église. Mais la chef des sorciers, là, c'est elle. Pas vrai? C'est vrai. Voilà, ça veut dire qu'en réalité, le côté spirituel des hommes, on ne voit pas. On peut, les francs-maçons se comportent très bien. Oui, c'est vrai que souvent, Bruce nous dit toujours que c'est vrai que je vous. Et ces heures de cela, mais il n'y a que toi et Dieu qui connaissent ton cœur. Ton cœur, justement. Même moi qui suis, je ne sais pas comment vous allez interviewer, je vous dis souvent. Tu peux dire que waouh, frère Junior, après, quand je frère Junior, c'est tout, tu viens un coup, garçon, ça qui dérange. Pas vrai? Et avec raison. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un entend la voix de Dieu et qu'il est de lui, il revient toujours. D'accord? L'église catholique, c'est la grande prostituée. Et c'est à l'intérieur, c'est le grand siège de la magie rouge, la magie noire et la magie blanche. C'est le lieu où les plus grands satanistes de la terre se ressourcent, c'est l'église catholique. C'est pour ça que les ressources peuvent aller dimanche à celle là-bas, ils sont tellement bien. Parce qu'avec les chants qui baissent les quoi, le cœur, ils peuvent finalement faire le voyage à Stradon. Quand ils veulent faire le voyage, ça peut faire le voyage pendant une heure, sachant que votre culte dure une heure, le temps pour lui d'aller en Inde, il passe à s'asseoir à l'église catholique, il est là tranquillement. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ça, c'est un site catholique. Le site, c'est site-catholique.fr. Donc là-bas, voilà, l'ancienne, quoi, Reine du ciel en français. Je veux que toi-même tu lises. C'est quoi le site Fajnia? Voilà, c'est un site catholique, site-catholique.fr. Là-bas, il y a beaucoup de... À l'onglet droit, vous pouvez avoir sur le pardon, la miséricorde, et toutes les choses qu'ils vont faire là-bas pour construire la Bible. Bon, maintenant, ici, c'est le vitrail du couronnement de la Vierge du cloître par Gérard. Ça, c'est au 21e siècle. Je crois bien, non. Ça, c'est au 21e siècle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah. Voilà le dessin qu'ils ont fait avec un vieillard qui se trouve là-bas avec le mari. Mais relisons le cantique. Quel est le cantique dit? Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia. Car celui que vous avez mérité de porter dans votre sein. Alléluia. Est ressuscité comme il l'a dit. Alléluia. Priez Dieu pour nous. Alléluia. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie. Alléluia. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Voilà. Donc, ici, on voit clairement qu'ils mettent la Reine du ciel et la Vierge Marie. Frère Junior. Oui. Il y a souvent un. Je ne sais pas si c'est le prêtre ou c'est la personne. Ève Marie. Voilà. Il passe souvent à Canal 2. Oui. Dans le matinée, il parle contre les pentecôtistes, voilà, Timide du choix et autres. Oui. Justement. Quand je sais que si tu te poses une question, il va te dire que non. Quand on prie Marie-là, c'est, quand tu vois Reine du ciel, eux, quand ils disent Marie-là, c'est la mère, je ne sais pas l'autre Reine du ciel, comme on pense. Non, il n'y a pas deux Reines du ciel. Comme il n'y a pas deux Paul Biya sur la terre. D'accord. Il n'y a pas deux Barack Obama. Le président des États-Unis, Barack Obama, c'est Barack Obama. N'est-ce pas, ma chère? Il n'y a pas deux Jésus qui Parce qu'une fois, les gens ont même posé des questions par rapport à la croix. Mm-hmm. C'est une façon de pousser les gens à comprendre que Mais Jésus... la Bible déclare que Dieu est esprit. Il faut que c'est Jésus lui-même, il a dit que ceux qui doivent l'adorer, l'adorer en esprit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui va venir refaire les choses. Il connaît la vérité. Il essaie tant bien que mal de pouvoir glaner. C'est une branche de l'Église catholique. C'est un peu comme les francs-maçons qui sortent là-bas. Ils disent qu'ils sont sortis alors qu'ils ne sont pas sortis. Le temps de recruter les gens dans la branche des francs-maçons. Lui, il fait en effet une œuvre. Vous allez voir qu'il dénonce certaines choses de l'Église catholique elle-même. Mm-hmm. On ne peut pas être à l'intérieur et dénoncer. Donc, s'il dénonce et que l'Église catholique a déjà les dogmes et que les dogmes disent que le pape est infaillible et qu'il dénonce des choses en prouvant que c'est faillible, ça montre clairement qu'il est dans la mauvaise chose. Parce que si le pape dit qu'ils sont infaillibles et qu'il lui va à la faillibilité dans tout ce que les femmes vont faire, il faut que la seule solution c'est de sortir là-bas. Il n'y a pas de justification sur la prière de manière. Il n'y a pas un seul verset biblique. Il n'y en a pas. D'accord? Or, quand bien même quelqu'un a voulu prier Marie dans la Bible, regardons ce que Jésus a réagi. On voit ce que Jésus a fait. Ça, c'est Luc là. Allons, chapitre 10, je crois que. Alors, donc. Nous sommes au chapitre 10 ici. Pardon. Le verset, il peut juste se lever là. Hein? Mais après, il faut. Oui, je vais répéter pour que tu te retrouves bien, d'accord. Oui, le verset 27. Voilà. Lis le verset 27 et 28. Verset 28 de Luc chapitre 11. Qu'est-ce que ça dit? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit. Heureux le sein qui t'a porté. C'est parce qu'on est resté aujourd'hui. Justement. Donc, ça dit, tu vois que le culte de Marie a commencé même quand Jésus-Christ lui-même était présent. D'accord? Uh-huh. Heureuse les mamelles qui t'ont alerté. Tu comprends vraiment que c'est un mariologue ici, n'est-ce pas? Uh-huh. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La femme, c'est, quand elle a parlé comme ça, Jésus n'a pas dit qu'il était nommé chef de chantre dans la chorale de ma mère. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a corrigé. En disant quoi? C'est pas celui qui m'a accouché d'être heureux, c'est celui qui croit en moi. Mais qu'est-ce que le monde entier dit aujourd'hui de Marie? Voilà le Christ, le Sauveur qui dit, il détourne l'attention. Parce que si l'Esprit veut détourner l'attention, la personne qui écoute la parole pour venir à Marie, Jésus détourne directement, il dit voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu en dis donc maintenant? Que vraiment, ce n'est pas dit que tu pries sa main, c'est en lui. Que tu dois croire. Mm-hmm. C'est vrai que frère, avant que je n'écoute votre, j'ai écouté un de vos enseignements là. Je me rappelle pas laquelle. Oui. C'est vrai qu'à l'époque aussi, et je me rappelle, je disais souvent à ma soeur que mais monsieur, si c'est sûr que ses frères doivent être bien, parce qu'il parle bien, il parle bien de Dieu. Mais le jour où j'ai écouté une de vos enseignements, vous avez dit, tu peux être proche d'un homme de Dieu. Du moment où tu ne crois pas, c'est nul ce que tu fais. Exactement. Le tout, ce n'est pas être proche d'un homme de Dieu, mais d'être proche de Dieu lui-même. Oui. Tu n'as pas besoin d'être proche d'un homme de Dieu. La preuve, à la brisquée chez vous, n'est-ce pas, ton mari dit que non, le petit garçon, ce qui est né hier, il venait monter quoi. C'est pas ça. Hein? des questions. Qu'est-ce que tu veux, madame? En fait, j'en ai tellement parce que j'ai eu à. Ah, c'est beaucoup de tes enseignements. Lis là, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur en Dieu et entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, combien de médiateurs y en a-t-il? Un seul. Un médiateur, c'est celui qui fait l'intercession. D'accord? La première fois que j'ai lu le verset biblique ici, surtout là, on précisait Jésus-Christ homme. Oui. Ça veut dire, sauf si j'avais mal compris, oui. J'avais l'impression de dire qu'il faut avoir cru que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est ça dont il est question, parce que c'est quand il était homme que tu souhaitais, il est venu faire l'intercession pour réconcilier les hommes à Dieu. D'accord? Bon, maintenant, la première question c'est, y a-t-il un co-ouvrier avec lui dans la rédemption? Dans l'œuvre de la croix, il était à la croix avec quelqu'un. Quelqu'un l'a aidé là-bas. Combien de personnes sont mortes? Lui seul. Lui seul. C'est pour ça que c'est lui seul qui peut le faire. Tu vois ça, ma chère? Qu'est-ce que tu fais de l'Église catholique maintenant? Tu sors ou tu sors pas? Dans ma tête, depuis que c'est comme ça, il va un peu là-bas. Donc voilà donc pourquoi tu es sorti de l'Église catholique. Donc ça veut dire que tu es vraiment sorti de l'Église catholique. Oui. Donc tout ce que tu racontes, c'est pour dire voici pourquoi il est sorti de l'Église catholique. Oui. Alors maintenant, c'est quand on passe au niveau. Dans ma tête, je. Tu n'es plus catholique. Ça passe plus dans la tête. Puisse le Seigneur détacher toutes ces idolâtries dans de ton cœur et te nettoyer, d'accord? Puis te remplir de son esprit. Amen. Maintenant, ce que je demande à Dieu, c'est que cette conversion apporte un plus dans mon foyer et non une discorde comme j'ai souvent vu ailleurs. Parce que, bon. Si tu dois passer par là, tu n'as pas le choix que de passer par là. Il ne faut pas qu'il te cache en te disant que non, comment tu vas te faire convertir, ce serait bien. Et c'est pour que ton mari veut même t'utiliser par force que désormais, maintenant, on va à l'église le dimanche. Que Dieu puisse te donner la sagesse afin que tu fasses ce qu'il faut faire de bien, d'accord? Mais le plus important, c'est le salut de ton âme. C'est que tu sois délivré de la captivité de la Babylonie, d'accord? Maintenant, ce qui va te poser comme question, c'est si les gens nous écoutent et qu'ils sont dans l'église catholique, qu'est-ce que toi-même tu leur donnes en tant que conseil? Mais moi, je vais dire, c'est pas l'église qui sauve. Mm-hmm. Le plus important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mm-hmm. Parce que, en fait, quand je prends mon cas personnellement, avant, j'étais la religieuse, le dimanche, quand j'ai un peu de temps, moi et les enfants, on se lave, on a la voiture, on va à l'église. On fait au nom du Père, on achète les brochures, on va à l'église, on rentre. Vous êtes sûr que vous savez on est sûr qu'on est... Alors, on fait l'effort. Si on a un peu d'argent, si on peut faire les dons, machin, on fait ce qu'on peut faire. On se dit, bon, c'est Dieu qui sauve, papa, c'est que nous, on a traversé. Mais quand je prends ma propre expérience, quand j'avais des problèmes, au lieu de lire la Bible, je lisais plutôt les brochures. Le mari de fait les nœuds, la prière, telle chose quand tu as un problème. Mais je crois qu'au fond, ce n'est pas ça. Oui. Parce qu'il faut dire être cultivé, je n'étais pas. Avant qu'un frère ne commence à m'exhorter, les seuls livres que j'ai dans la Bible, c'est Genèse et Matthieu. Or, je me dis que tout est dans la Bible. Oui. Si je lisais vraiment la Bible, je n'aurais pas besoin d'être surpris pour comprendre l'Église catholique, c'est la mauvaise foi. Parce que quand un frère essaie de me parler, à chaque fois qu'il me parle de la Bible, je comprends que si moi-même j'avais lu, même s'il n'avait pas compris, au moins je crois que je dois avoir une lumière sceptique par rapport à l'Église catholique. Mais comme j'étais un homme, parce que mon frère, parce que le voisin fait, on m'a dit quoi, je continue d'aller, mais moi je pense que le plus important ici, c'est créer sa relation personnelle avec Dieu. Donc ça veut dire que les catholiques doivent créer leur relation en prenant la responsabilité de lire la Bible pour vérifier. Oui, de la pour vérifier. De ne plus se laisser aveugler par les dons. Oui, c'est ça le plus important. De ne pas faire parce que le prêtre fait. Ou bien non, le prêtre a dit que. Parce que je pense que ce n'est pas forcément les modèles. Que chacun essaie de créer sa propre relation avec Dieu. Étant donné, moi, je ne pense pas que le jour du jugement ou après la mort, on sera avec le prêtre ou bien l'ancienne église. Non, je ne pense pas. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est le prix à payer. Et là, je te pose une question qui est liée à celle-ci. Là, il y a tellement de milliards de fidèles à l'église catholique. Énormément. Et on voit les prêtres qui sont les gens soignés sur leur extérieur avec le blanc. Et les gens font aveuglément confiance. Je pose une question. Voici ce qu'on vient de développer dans la Bible et en voyant tout cela dans la Bible. Tu penses que ces prêtres-là ils savent ce qu'ils sont en train de faire ou bien ils sont seulement ignorants? Moi je dirais que ceux qui sont anciens savent ce qu'ils font. Mais il y a certains jeunes garçons qui viennent passer son bac. Ah, il est très enthousiaste là. Je crois que quand il va au séminaire, il est conscient qu'il sait Dieu. Ne sachant pas là où il s'engage. À mon humble avis, c'est ça. Mais les plus anciens, évêques, autres cardinaux, ils savent ce qu'ils font déjà. Et bien, Nasser, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Moi, à mon humble avis, c'est que je suis pas à même. C'est vrai que je ne suis pas à même de dire, de juger quelqu'un. Mais je crois que Dieu est bon. Il n'est jamais tard pour se repentir. À mon avis, c'est ça. Je pense qu'il n'est jamais tard pour se repentir. En fait, je pense du moment où on vit, tout est encore possible. C'est quand on meurt que tout est arrêté. Voilà. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il faut que les prêtres se repentent. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont de faits. Prêtres, faux pasteurs aussi. Parce qu'il n'y a pas que... Non, on est tellement proche, il n'y a pas que l'église catholique. Oui, voilà. Mais c'est quand même la grande mère. C'est la mère quand même qui... Oui, c'est vrai, c'est elle qui a le plus de fidèles. Oui. Donc, il faut que les faux pasteurs aussi se répandent. Que Dieu te bénisse, d'accord? Mais au-delà de ça, il te faut la délivrance. Moi, je suis conscient. Tu es conscient de cela? On doit prier, d'accord? Parce qu'il y a des choses que je fais, après, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai même fait ça? En fait, je sais pas comment je vais expliquer. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui me... Voilà. En fait, tu es en captivité. Je ne suis pas encore sortie. Parce que ils sont en train de regarder dans des maisons où il y a des statues. Il y a une maison avec ce crâne-là. Voici le tatami ici. On va passer au tatami, d'accord? Voilà. Allez, une pause s'impose, d'accord? Oui, vas-y. Et faut que je ne sais après là que je pourrais poser mes questions, ou bien? Non, tout à l'heure, là, mais d'accord, après. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abribote à Sina, Kazako me souvenir. Amouna Babiane, Yemme Sindo, et Mame Semenete. Amouna Yodiana, Ntavane, Chéri. Avoir un yam, Amouna Nzambe. Amouna Sindu Yaye l'autre, Amame Seyam, Yaye Nami Sema. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un mot se cristaille son, un outil ici au radio. Avant la bouille, ma médaille boban, un mot saute. Calate zambe, aïe un le biana. Disse ce daïe un cristana son m'incoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bayami di ke buni berbel be buni ngana waye kusabe ta jo yesu sana de mangaye me Aye bona, amo se yesu sa yeso, na zuti isi nuna mejo, emo milanga. Amo se te yesu sa yebo me kone sabe, amuna, ba me maneya, amo se te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, me gâte au pasteur, me gâte au prêtre, me bévèque. Me dit à me yé, me woé, à ma mori, de la sort. Me gâte au mani, à sinami, quand te bote, bamba foy, un poé d'agni bote. Minga quand te be philosophie, yé mon milan, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Me mené à Badia et me mené à Bia pour le même ici de la consort. Aïe, sous ce mot, bon, ma Jona, moi j'étais le diacre. Me diacre, on est à Babon, Mien, et je me y est sous ce mot de la consort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo pour le manisé de la consort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la consort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé, tout doucement et l'autoconsort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, Josepholo. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume